Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oh. Alors, on m'a dit que c'était plus le cri du paresseux que du lynx. Non, pas du tout, mais vos gueules en fait. Allez. C'est pour envoyer ce genre de. Non, non, pas bah, du tout. Voilà, pas du non tout. Mais apparemment, le paresseux a un cri similaire. Oui, oui, bien sûr. C'est pas du tout, c'est un lynx, voilà. Arrêtez. Bah, a... Économisez-vous l'énergie d'envoyer ce genre de petits messages. Désobligeant. C'est un lynx, voilà. Du commentaire dont on se passerait bien au final. Oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Le traditionnel, oui. le j'ai pas d'autre adjectif. Masterclass. Non, je sais pas si c'est masterclass. On le fait tous les ans en tout cas. Nous ne sommes pas tout seuls avec Adrien, nous sommes avec Pierre Lapin. Oh, oui. Pierre Lapin. Puisqu'on est dans ce lièvre galet, comme on l'appelle. Lièvre galet. Lièvre galet. Guillaume Gallienne. Oh oui. Rock Az. Az, c'est la femelle du lièvre. Oui, oui, joli, joli, joli. J'aime le rock. Non, je vais juste, je l'ai jamais dit, je crois. Après, je perds la boule, donc peut-être je l'ai dit trois oui, fois oui. déjà. Non, mais j'en profite. Vous vous souvenez, c'était l'an dernier. Oui. J'avais fait la blague Titane, c'est trop. Ouais. Et il y a un mec dans un battle de rap, genre Rap Contenders et tout, qui a repris cette vanne. Il m'a crédité. Non, mais il m'a dit au fait, j'ai repris ta vanne. Cette blague, elle est d'Adrien Méniel. Fait, oh non, non, bien sûr, il a fait comme si c'était sa blague. C'est un hommage. Mais il me l'a dit après, il m'a envoyé sympa. La vidéo en disant hey, regarde, j'ai repris ta blague. Sympa, et en même temps. Du vol. Hein. Bon, si c'est la première fois que vous nous écoutez, oui. Avec Pierre et Adrien, chaque fin d'année. Nous repassons un petit peu en revue ce qui s'est passé dans cette année 2022. Nous faisons le bilan et, calmement. Comme chaque année, je le dis, calmement, en se remémorant chaque instant. C'est ça. Et ça fait toujours très plaisir. Comment vas-tu, Pierre ? Ça va. Ça va. Ah, ça, c'est un ça va. C'est un ça va avec deux points de suspension. Pas trois, mais pas un point, pas un point d'exclamation. Non, mais tu sais, c'est si quand ça monte. Ma mère. Ouais. Quand ça monte, ce ça va, qui est presque une question, tu sais. Ça va ? Ça va ? Ouais, bon, dis-moi, ça va pas du tout. Qui est suivi de on fait aller. Ouais, voilà. Écoute. Par contre, non, il y a quelques temps, j'ai réussi à masteriser une nouvelle imitation. Ah, alors, attends, bon, non. Déjà, petit silence. Wow. Vas-y. Okay. Pas de pression, mais un pas silence pression, total. Mais énormément de pression. Mais... Chut. Je ferme les yeux pour être dedans. Allez, allez. J'oublie que. D'ailleurs, vous tous qui écoutez, fermez les yeux, même si vous êtes en voiture, ça vaut le coup. Vous êtes dans le métro. Prochain arrêt, attention à la marche. Là, quelqu'un vient vous parler. Hello, maman. Bah ouais, c'est moi, c'est Lorenzo. Bah ouais, maman. Bah ouais, quoi, gars. Salut, Michou, quoi. C'est moi, c'est Lorenzo, quoi. T'as vu, j'adore l'alcool. C'est Titeuf. C'est un peu. Pardon, c'est Titeuf. C'est total. Est-ce que tu peux faire Lorenzo qui dit vous êtes trop des pédoncules du slip ? Eh ben, vous êtes trop des pédoncules du slip. Bah si, c'est Titeuf, c'est malheureux. C'est malheureux. Oh, c'est Titeuf. Moi, je fais Hugo. Ah oui, oui. Oh, Titeuf. Oh, c'est pas ça. C'est Raymond DeVos. Oui, Winnie l'ourson. C'est Winnie l'ourson. Le principe, c'est on fait une imitation. Ok, bah moi je fais Shakira. écoutez, Shakira. J'ai choisi un nom qui ressemblait à Jacques Chirac. Ouais, non, j'ai pas fait exprès. Shakira, voilà, bah voilà donc. Bah non, mais bah, tu l'imites mal. Donc du coup, ça va pas vraiment. Du coup, voilà. Si c'est pour revenir à ça. Le mot masterisé. Bah, c'est. Moi j'ai trouvé ça très bien. Non, travailler. Non, non, moi j'ai trouvé ça bien. Wesh les BG. Ah si, mais si, mais bien mieux. Mais t'as. Ah ouais, pas sûr. Ah ouais, si, mieux, Michou. Okay. Ah ouais, ouais. Faut c'est vraiment. Le soleil. C'est illuminé. Les gens peuvent pas comprendre, mais il y a le soleil qui s'est levé pile sur le visage. Adrien est actuellement le bébé des Télétubbies. Actuellement. Attends, je prends juste une photo. Parce que vraiment. Oh le timing! Et donc, si vous n'avez jamais écouté ces épisodes, avec donc tout le monde, on fait le bilan. Et souvent, on commence par les sorties cinéma qu'il y a eu cette année. Il y a eu encore beaucoup de films cette année, parce que c'est vrai qu'on sort quand même de deux années très Covid, 2020-2021. On chiale, le cinéma se meurt, et il y a quand même plein de sorties. Donc, et des films qui marchent très bien d'ailleurs. Non, et il y a quand même eu des gros succès cette année, et je suis allé dans le top 100. Alors, on va pas se faire les 100, bien sûr, mais des films qui ont été préférés cette année. Et tout en bas de classement, on retrouve Jurassic World, le monde d'après. Bien sûr. Le dernier, Jurassic World Dominion. Est-ce que tu l'as vu, Pierre? Bien évidemment que non. Ah, tu ne l'as pas vu? Non. Oh, ah, Pierre, t'as, t'as... Même pour du Hate Watch, parce que c'est vrai que c'était un film qui n'a pas été très apprécié. Ou du Hate Mile. Oui, le rap. Dinosaure rap. Ouais. Mais d'ailleurs, le dinosaure rap dans Jurassic Park Dominion. Ah ouais, bon fait. Ok, ok, ok, je suis un T-Rex, mes bras sont longs, plutôt l'inverse. Oui, il se clash lui-même comme dans Hit Mile. Ouais, c'est ça, c'est à la fin. C'est à la fin. Okay. Il est entouré de diplodocus et c'est le seul T-Rex, donc il a un peu mal vu des diplodocus. Bon, bref, je vous passe les détails. Non, mais c'est, il est pas sorti genre été. Si, en juin, 8 juin. Attends, 2022. Pierre, l'été, il surfe. Bah il oui, c'est ça. Moi, j'étais sur la côte sauvage à Quiberon, mon pote. Ah, ok. Il est à Les Braise. Ouais. Tu sais quoi? Des niniches. C'est quoi? Tu connais pas les niches? J'ai entendu sucer la miche. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, cette histoire? Ouais, je l'ai BG. Non, là. Les niniches, c'est des petits bâtons sucettes aux multiples goûts. Et c'est breton, genre c'est... Bon, je sais pas, je crois qu'il y en a à Quiberon, il y a à Belle-Île aussi. Voilà, c'est des petites spécialités bretonnes que vous n'avez pas goûté apparemment. Non, au beurre salé, j'imagine. Oh, Camarel beurre salé. Voilà, attends. Ça, c'est gotesque. Gotesca. Gotesca. Oui. Toi, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Le French Monster. Oui. Pour moi. Oui, oui. Je vais vraiment rien dire. Ah oui. Parce que le soleil part d'Adrien, donc il perd son énergie. En fait, comme je vois plus. Il s'étiole. Normalement, on pourrait croire que comme j'ai perdu la vue, ça a décuplé mes autres sens, mais pas du tout. J'entends malheureusement rien l'inverse. Ouais, donc je surfais. Pardon. Tu surfais, t'as donc, pas pu le voir. Les dinosaures, non. T'as pas vu les dinosaures. Adrien, toi, tu l'as vu, je crois, le dernier. Bien sûr, je l'ai vu, bien sûr. Ça t'a plu? Bah. J'ai un peu le sentiment qu'il tire sur la corde. Quand ah même. Bah, c'est, bah... c'est le sixième. À la manière, à la manière de Squid Game, une des épreuves où il tire sur la corde. Et c'est Squid Game pour moi, à mes yeux. Ah, genre c'est quoi, c'est Squid Game? Bah, dans le sens où il tire sur la corde. Ah ouais. Oui, oui, ok, bien comme sûr. Dans une des épreuves de Squid Game. C'est en ça que je le compare. Donc, mais... donc plutôt déçu, quoi. Ben, disons que pour moi, c'est un peu le Gremlins 2 des Jurassic Park, quoi. C'est-à-dire que ils ont jump the shark, comme on dit dans le jargon. Oui, bien sûr, c'est un vrai le jargon. Le fait que... Jump the megalodon. Oh là oh là, là. Et... Bah non, bien sûr. Je suis paléontologue. J'adore ça déjà. Mmh. J'adore déjà. Non, mais le fait qu'il y a un dinosaure qui parle m'a un peu fait sortir du film. Et qui a la voix de Kev Adams. Et qui a la... Non, mais c'est vrai. Il y a un autre qui a la voix de Michou et qui dit... Wesh les bégés. Il dit rien en rapport avec les dinosaures, il dit juste wesh les bégés. Hélas, oui. Wesh les bégés, elle est où la chèvre? Pour la manger. Pour la manger, quoi? Avec mon poteau Inox. Ah, il dit Inox? Ouais, ben, Inox. Ouais, il était un peu en roue libre, je crois, sur le doublage, ouais. Et il a juste dit des trucs de sa vie. Il a dit non, mais c'est pas ça le texte. Eh, hey, je suis un T-Rex, je vais faire Danse avec les stars. Enfin, Michou. Qui, Inox qui devait faire le rôle de l'ankylosaure. C'est vrai. Ah, mais qui a été coupé, malheureusement. Ah, non, mais c'est là parce que c'est vrai que, avec Adrien, vous avez une émission de cinéma. Non, mais c'est vrai, ah, le cinéma, ça dit quoi? Ouais. On a moins d'épisodes ces derniers temps parce que vous revenez lourd. Bah, dans moi, j'ai le side project envie de faire 4K. Oui, c'est oui, ça, c'est t'as vrai. Envie de faire 4K. Ouais. T'as confondu. Oui, oui, pardon, c'est les, vrai. Les refs. Parce, que... parce qu'il y en a beaucoup. Pour ma défense, cette émission commence à en avoir un certain nombre. Donc, d'accord. Donc, toi, tu ne l'as pas vu. Toi, non. Tu l'as plutôt bien aimé. Moi, je l'ai vu. Non, je viens de dire l'inverse. Hein. Oui, mais j'écoute pas. Oui, ouais. C'est un peu le thème, apparemment, de l'émission. On n'écoute pas ce que les autres disent. Oh ouais, c'est un peu ce qui s'est passé en politique cette année. Non mais pardon. Ouais, pardon. On est tout à la fois le peuple et Macron. On il parle et on n'est pas écouté. Donc, ouais. Assez bas malheureusement dans le top aussi, Mascarade de Nicolas Bedos. Alors ça, je sais qu'Adrien a adoré ce film. Ben, ouais. J'ai, moi, ça me prend aux tripes en fait, ce genre de truc. Bah, oui. Que, bah, moi, j'aimerais, c'est ce que je dis toujours, j'aimerais jamais autant Nicolas Bedos qu'en interview. Oui. Le jour où il arrivera à faire un film qui me remue autant que ce qu'il dit en interview ou ce qu'il pouvait faire en chronique télé, par exemple, ouais. Où il disait les Bogdanov, ils se grattent les couilles avec leur menton. Bon, bah, moi, c'est ça, je suis un peu en recherche de ça. Bon, on peut saluer, il y a Pierre Ninet qui joue dedans. Et Pierre Lanine. Alors, un truc qui m'a surpris, c'est que, vraiment ses premières répliques de Pierre du film. Il dit ah ouais, d'accord. Hein. Et donc je me suis dit, ah d'accord, il a pris le parti d'imiter Pierre Palmade ouais. dans le film. Ouais. Et il le garde, ça par contre, performance d'acteur pour moi, oui, Jim and Andy pour moi. Pour moi, c'est, il mérite deux Césars. Voilà. Du meilleur acteur, mais du même rôle. Il mérite deux Césars pour cette prestation. Du meilleur plus, palmade. Et c'est ça, et il ne dit jamais. Il mérite la palmade d'or, je dirais oui, même. Bien sûr. La palmade d'or. Oui. Et il ne dit jamais qu'il joue Pierre Palmade. C'est non, ça qui est fou, en fait. C'est Pierre Palmade n'est jamais cité. Tout... Sinon, le miroir se brise, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'il. Et c'est temps de malheur, du coup. Il joue tout seul, parce qu'à chaque fois, il dit tu dis. De quoi, oui. Tu bah, m'appelles là. Je crois que c'était pour. Mais je crois que justement, c'est venu ça de. Mais comme quoi la contrainte donne naissance à la créativité. Mmh. C'est qu'il y avait des problèmes de plan de travail, les autres acteurs n'étaient pas disponibles en même temps que lui. Il a dit, mais c'est pas grave, oui. J'ai la solution. Je joue seul et je fais Palmade. Putain. Et qui fait, tu me dis que, et voilà. Et quoi, François Cluzet, tu me dis que, etc. Et donc, oui. Pardon, parce que je finis ma scène préférée. Et donc, il dit, ouais, d'accord. Et François Cluzet, qui est un peu la voix de Bedos dans le film, tu vois. Il dit, mais quoi, putain, mais reculez-moi, quoi. Merde, baisez-moi. Pisse sur ma chemise, putain, on peut plus rien dire. Mais quoi, merde. Suce des solilesses. Ouais, mais putain, quoi. Bon, bah, je chialais, quoi. Ouais, tu dis, enlevez vos masques pour le Covid. Merde. Vos masques, embrassez-vous, vos quoi. Merde. Enlevez vos masques à rade. Oh, mais oui, non, mais c'est vrai. Non, mais d'ailleurs, il dit, il fait, mais c'est une mascarade ou quoi, ce pays. Oui, ça, je l'avais vu dans la bande-annonce. Voilà. C'était malin de finir sur ouais. ça. Ouais. Dire, c'est une mascarade ou quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette performance d'acteur de Pierre qui ne parle jamais à un vrai acteur. Enfin, est toujours, oui. toujours en train quoi de... Quoi. Tu dis. Oui, voilà. Enfin, que c'est une mascarade. D'accord, ah, ouais, d'accord. Mais je le sais parce que Pierre est quelqu'un qu'on connaît. Oui. Ils ont... Donc là, ils sont sur le tournage de Mascara 2. Oui. Mais avec le 2 de Mascarade qui est le chiffre 2. Bien sûr. Et à la manière de Eddie Murphy dans La Famille Folding, Pierre joue tous les rôles. Oui, oui, oui. Ça, il c'est se fort. Déguise en Isabelle Adjani. Il se déguise en François Cluzet. Et ça, c'est... moi, j'ai vu des photos parce qu'encore une fois, j'ai... Bah toi, t'as des entrées dans le j'ai film, un petit orteil dans 7ème art. Je connais Jean t'es Mineur. T'es dans Ami Proche. Je suis dans Ami Proche de Pierre Niney. Ouais. Et je connais Jean Mineur de la pub Mediavision. Donc c'est pour dire à quel point je suis quand même calé en cinoche. On retourne dans les blockbusters américains. Black Panther, Wakanda Forever. Alors ça, c'est assez fou parce que moi qui ai longtemps beaucoup regardé plein de Marvel, là, j'ai lâché cette année. Moi, j'ai juste vu Docteur. Par racisme, bien sûr. Pas d'autre explication. Alors, film suivant. Raconte-nous le film suivant, sale raciste. Pas non, parce que j'ai pas maté She-Hulk non plus, qui est une femme. Allez, c'est terrible. Non, j'ai rien regardé de Marvel cette année. J'ai complètement lâché l'affaire Marvel, donc je ne suis pas au courant de ce qui se passe. T'as vu quoi. Zéro Marvel cette zéro année. Marvel cette année. Tu mens. Non, j'ai vu. Bah, lequel. Bah, je sais pas. Bah, non. Non, j'ai vu zéro Marvel. Ok. Putain, mais je crois moi aussi. Tu vois au final. Ouais. Peut-être Adrien, on est. Toi, bah, toi, bon, tu après, toi. Mais toi, t'es obligé toi, t'es pour pas ton émission. Toi. C'est ton métier. Tu es journaliste, mais... je crois que tu es journaliste ciné. C'est ça. Oui. Ouais. Bon, c'est une de mes casquettes, je la mets pas tellement en avant. Barbare, alors c'est un film d'horreur qui est sorti que sur Disney Plus chez nous, qui a bien marché aux États-Unis. Toi, est-ce que tu l'as vu, Pierre? Oui, bien sûr. Tu as aimé? Oui, mais j'ai cru que t'avais dit Barbara. J'étais non, genre, non, Barbarian en anglais. Oui, bien sûr. Avec un film de Zach Krieger. Bien sûr. Je le dis bien. Zach Trigger, Warning. Zach Trigger, ouais. Et c'est avec Georgiana Campbell, Bill, j'arrive pas à dire son nom, mais le clown de ça, et Justin Long. T'as bien aimé Bill Skarsgård. Oui, je crois que c'est ça, ça qu'on dit, ouais, il me semble, ouais, pardon. Oh, son famille, c'est quoi c'est Bill Skarsgård. C'est un meuble Ikea ou quoi? Non, mais arrête. Non, mais tu vas te faire démonter pour cette blague. Oh, comme un meuble. Non, ouais, c'est rigolo. En fait, il y a une coupure au milieu du film qui est un peu intéressante. Mais qui est pas un peu déceptif, tu trouves? Moi, j'étais à fond dedans. Ah, c'est oui. Tu vois? Bah là, je suis un peu d'accord par rapport deux. À sa Switch. Ouais. Bien sûr. Oui. Non, mais après, ça monte un autre point de vue. Le troisième qui mur, cool, qui est très très cool ouais. sur une personne qu'on déteste, ouais. qu'on aime bien voir souffrir après. C'est Trump. Tu rencontres les deux. Pour moi. Bah, spoil de pas, Trump. Spoil pas. Non, pardon. Mais c'est vrai que c'est Trump. Bah ouais. Bah oui, bien sûr, c'est Trump. Par comment t'as deviné toi que c'était Trump? Moi, j'avoue, je l'ai pas vu venir. C'est là où c'était déceptif pour toi. Bah moi, mais encore une fois, moi je ne suis pas journaliste ciné. Oui. Donc j'ai pas le truc, mais. Non, mais en fait, je trouve que voilà, c'est en fait comme ça une petite pique politique. Il faut que ce soit très bien exécuté pour que. Et là, malheureusement, voilà, on. Ah, des gros souliers quoi. Ouais, voilà, non, pour moi c'est ça patine un peu quoi. Ça reste un. Ah donc un c'est bon des gros film. Souliers mais qui patinent, donc c'est une sorte de. Voilà. Parce que parfois les souliers, il y a un petit revêtement. Oui. Dérapant en dessous là, il y en a pas. Il y en a plus du tout. Voilà. Ok, d'accord. Le remake de Scream. Alors ça putain, c'est. Il y a eu beaucoup de bons films. C'est ça qui est assez fou quand je faisais le top là. Mm. Beaucoup de bons films. En l'occurrence, ça c'est pas un très bon film, mais de gros films sont sortis en début d'année 2022. C'est vrai qu'on oublie hein. Et entre temps, il y a eu plein de trucs. Mais Scream, je croyais que c'était l'année dernière, voyez-vous. Pareil. Le remake de Scream. T'as bien aimé? J'ai oublié. Ouais, tout, tu vois, tout, moi aussi, je m'en tout, souviens tout, pas tout très c'est bien. C'est terrible, quoi. Après, je pense qu'il faut un peu grandir, quoi. Mais il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de trucs de. Je pense. Après, voilà, je. Mollo, hein, je veux pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui chient de leur couche qui nous écoutent actuellement ouais. et qui aiment bien se rattraper à une nostalgie. Ouais, ouais, qui nous écoutent et puis qui sont autour de la table, peut-être. Ouais, ouais, voilà. Je vois, ouais, tu, vois, tu vois ce que tu veux dire. Et ouais, voilà, ouais, je pense qu'il faut avancer, quoi. Oui, bien sûr. Mais moi, ça y est, je commence oui, à ouais. arriver au bout de ça. De... Je me rends compte que j'ai pas vu, bah, je disais les Marvel, mais même j'ai pas vu les séries Star Wars là cette année. Ça y est. À part pour le coup, Andor. Mais il paraît que c'est bien, ouais. Très, très bien. Mais et puis en plus, c'est détaxé, ça coûte moins cher cette série. C'est vrai. Andor. C'est vrai, c'est ouais. oui, oui. Vous avez la ref ou bah, j'ai pris 5 litres de la Belle 5. Ouais, voilà. Vraiment, j'ai tout enquillé en regardant cette série. Mais il paraît que c'est. Bah, un peu moi, ennuyeux. Je l'ai. Moi, je l'ai. Ouais. Mais il paraît que oui. c'est un peu ennuyeux. On s'endort, c'est on ça que s'endort. Tu veux. On s'endort devant, ouais, ouais, paraît-il. Non, mais... paraît-il. Ouais. Non, mais ouais, moi j'arrive au bout de ces trucs de. Je veux pas être un, mais en même temps, un y a... vieux geek. En fait, toi, t'es dans une page de ta vie aussi, toi. C'est vrai qu'il y a... Le bébé qui chie dans sa couche, c'est ouais. pourquoi, mais ça y est, littéralement ouais, ton bébé qui chie dans sa couche. Je peux plus me torcher moi, je torche le bébé. D'ailleurs, j'ai de la merde au cul à l'heure actuelle où je vous parle. On avait remarqué. J'avais mis de l'encens. Pinocchio de Guillermo del Toro, alors qui est sorti il y a vraiment pas longtemps sur Netflix pour nous, parce qu'il faut savoir que vous écoutez cet épisode, je pense qu'on est tout fin décembre, voire début janvier. Mais là, nous, quand on enregistre, on est le 12 décembre. Moi, je l'ai vu hier, dites-vous, Pinocchio. Okay. Et c'est un de mes films préférés de cette année. Mais ah ouais, ça vraiment très, très, très bien. J'ai trouvé ça c'est très de la langue de bois. Quoi ? Mais quoi ? Après, tu vois, est-ce qu'il fallait encore, tu vois, Pinocchio, c'est ramener encore le discours progressiste qui nous saoule à chaque fois, tu vois, le côté Pierre un peu woke. Ah, tu sais, genre, à Pierre un moment, il y a vraiment littéralement cette scène. Il y a littéralement cette scène dans Pinocchio où le gars, il dit... qui vous dit que je suis du cèdre ? Ah oui, très bonne vanne ça. Mais moi j'ai bien aimé. Et, tu vois, et encore, tu vois, revenir là-dessus. On peut pas juste avoir des films sans qu'il y ait des trucs de politique ou quoi que ce soit. Alors que moi, que tu sois du cèdre, que tu sois de l'être, je m'en fous. Moi, je suis humaniste. J'aime l'or le bois. Je m'en branle de toi, là, Pinocchio. Là où il se rattrape bien, et il c'est d'ailleurs, il se rattrape aux branches. Mais c'est que il lui dit. Donc il dit ça, qui vous dit que je suis du cèdre et tout. Il lui dit, je suis pas du cèdre, je suis du chêne. Et là, tu fais, ah cool. Et là, Cool Chain arrive et fait un petit. Pose un petit. Sur le Cool Chain. Un petit rap, quoi. Un petit rap, il pose petit un. Rat, ouais. un petit 16. Il s'appelle Mon nez s'allonge. Des barres. Il pas au fait qu'il pense oui. beaucoup. Il dit je suis un cool. Je suis Cool Chain et toi t'es un Cool Chain. Il dit. Il dit ça. Il parce dit que... tu vas. Et vous allez voir de quel bois on se chauffe. Moi et mon sauce. Parce que sauce pleureur. Ça c'est dans la ouais. version française. Ça, ah oui, fou. C'est ça. Moi j'avais vu la version où c'est Cèdre Gecko. Ouais, qui vient ouais, ouais. et qui dit. C'est dans la version pontoise. Oui, ouais. voilà. Uniquement à Pontoise. Si vous êtes à Pontoise, vous avez un VPN, vous mettez Pontoise et vous avez la version avec Cèdre Gecko. Avec Cèdre Gecko. Ou au Liban, non, c'est le cèdre. Hein ? Le Liban. Le Liban, c'est le cèdre. Ouais, voilà. Ouais. C'est... Mais l'alcool, c'est de l'eau, rassurez-moi. Oui, non, mais. Oui. Non, mais non, je voulais non, qu'on parte sur non, des bases cèdres. Non, mais voilà, Guillermo del Toro qui ramène un peu de politique. Mais est-ce que c'était nécessaire ? Je sais oui, pas. Oui, parce sûr, que ça se passe quoi. Pendant. C'est un truc pour enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, blague à part, j'ai trouvé ça vachement bien. Fumer. Du bon boulot. C'est du bon boulot. Mais. Moi je prédis qu'il va avoir la palmier d'or avec ce film. Vous avez pas vu, mais il a levé son index. Ouais, ouais, ouais, non, parce que. Attention. Hein. C'est Koya que t'as dit ? Hein ? Non, allez. Non, mais moi, cela dit, j'ai. Non, mais sans rien. Je l'ai vu aussi et j'ai commandé le poster du film et je l'ai reçu, mais il était un peu plié. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est chelou, c'est que Pinocchio, il est italien normalement, oui. et dans le film, il est corse. Pinocchio. Corse, il est corse. Et du coup, tu dis pas à la fin, t'es Pinocchio. Parce que je suis corse. Mais il y a une très bonne chronique de Guillaume Merizier sur France Inter qu'on parle. Oh, on est des merdes. Oh, c'est uniquement des jeux de mots. Mais, vous savez à quoi vous attendre ? Putain, mais ça va ! Branlez-moi sous la table ! Putain ! Nico, Nico, c'est une mascarade ce truc ou quoi ? Meurs, je les connais. Meurs. Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Alors là, pour moi, Quentin, ouais. Là, il est allé dans son univers jusqu'au bout là. Deux films hein, de Quentin Dupieux cette année. Hein. Ah ouais, il y a eu Incroyable mais vrai et Fumé fait tousser. Mmh. Patrick Deux films, on l'appelle. Vous l'avez pas, non si, c'est trop vieux comme un. Oui, d'accord. C'est juste nul. D'accord. Des fois, on rigole pas, mais oui, c'est pas parce qu'on comprend pas. Hein. Ah non, mais je l'entends tout à fait. Moi, il n'y a aucun problème. Oui. Qui l'a vu autour de la table? Toi, tu l'as moi, vu. Moi, j'ai vu. Ouais. T'as kiffé? Ouais, ouais, c'est assez intéressant. Il y a des cours très rigolos. Incroyable mais vrai, c'était assez cool de voir quand il y a Alain Chabat qui se transforme en Minitel. Pour dénoncer un petit peu tu vois, la société où tout le monde a des smartphones. Après, j'ai pas trop compris quand la belle-mère devient une saucisse. Mmh. Et c'est parce que c'était un rêve à la fin. C'est ça que t'as pas après, capté. Après, là, j'ai l'impression qu'à la fin, il sait pas encore finir ça. Il le dit pas vraiment. Ça, c'est une fin ouverte. En sachant qu'il y a une fourchette géante qui est le grand méchant. Doublé par film. Michou. Doublé par. Ouais, je l'ai végé sur une fourchette. t'es un peu allé vers Titeuf encore là. Putain, merde. Tout ramène à ouais, Nadia. Non, bah non, bah y a plus rien. Non, mais en tout cas, Quentin, un bel univers une fois de plus. Titeuf qui fait, excusez-moi, je fais un petit détour. Titeuf qui a une chaîne Twitch maintenant. Je sais pas si vous avez vu ce truc là. Non, il y a pas de jeu de mots, c'est vrai. Ah, d'accord. New Titeuf. Non, le vrai Titeuf. Et en fait, il fait des feats avec. Titane. Non. Titane trop. Non, on y revient. Titeuf. Non, il est avec Inoxtag, Ponce, Dwagby, avec tous les gros. Toutes choses. Des fleurs. Attends. Juste ça c'est vrai ça. Ah tout est vrai. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Titeuf a une chaîne Twitch. Il fait hey, tout le monde salut c'est Titeuf. Et on le voit, il est animé, genre. Il est animé mais avec pas beaucoup d'animation du coup. Ça sent bon déjà là. Et non mais c'est la vraie voix française de Titeuf qui joue avec Dobby. Et du coup mais il y a ces scènes parce qu'on a 30 ans, on est des vieux aigris mais c'est un peu surprenant de voir Dwagby. D'ailleurs, oui, on a 30 ans, grave. On a tous 30 ans, grave. De voir Dwagby faire un an, mais Titeuf, enfin, chope une popo. Enfin, coup, c'est quand même un peu surprenant. Quoi. Voilà, t'es en train de farmer ou quoi, Titeuf? Attends, mais le loot, tu le laisses passer ou quoi? Headshot. Pardon, mais tu m'as fait tousser, t'as kiffé, Adrien, toi? Rien. Oui, j'ai bien aimé le fait qu'à la fin. Une fois que t'as vu le film, t'as vu l'histoire, et à la fin, il y a un twist où genre, c'était généré par une IA depuis le début. Mmh. Et en fait, tu dis, ouah, c'était généré par une IA, et en fait, devant son ordi, il y a Quentin Dupieux, il fait, mais non, c'est moi, l'IA, c'est moi qui le contrôle. Donc c'est quand même mon film et tout, il y a quand même trois. Et en fait, c'était un rêve. En plus, après, il se réveille, il fait, ah, et c'était le rêve. De Lorenzo justement. Ah oui. Qui fait un feat parce qu'il veut mettre il aime bien mettre un rappeur blanc parfois dans. C'est il avait mis Orelsan. Il y avait Romeo Elvis aussi dans mon. Voilà. Et là, Lorenzo. C'est Lorenzo. C'était un rêve de Lorenzo depuis le début. Depuis le début. Et il dit. Parce que fumer, il adore la ganja. Ah bah, il adore, lui, il adore. Bah, mon pote, j'aime bien ça, le bédo, quoi. Ouais. Ah. Mais pourquoi tu refais Titeuf? Mais putain, mais niquez-vous. Don't worry, darling. Moral. Oh la vache. Alors moi j'ai pas vu ça. Don't worry, darling. Bon, on passe. Avec, alors. On passe. Non mais tu l'as vu? Harry Styles, oui. T'as bien aimé? Non. Ah t'as pas aimé? Non, c'est. T'as vraiment dit. Ouais. Black Mirror, mais encore plus nul. Ah oui? Ah oui, ouais, t'as pas kiffé? Non, c'est assez déjà, ridicule. Déjà dire que c'est nul Black Mirror, c'est quand même un petit. Attention Pierrot, attention c'est mon Pierrot. J'ai oublié où j'étais. Eh oui. Non mais très passable. Ouais, très passable. Ouais. C'était fou toutes ces histoires. Je sais pas si vous avez suivi. Il y a eu le buzz. Tout un buzz autour de la sortie du film. Non, mais parce qu'à Venise, oui, bah, je vais te la raconter. À Venise, apparemment, il y avait. Des gondoles déjà. Il y avait énormément de gondoles. Mm. Et ça a fait beaucoup parler du film. Il y a aussi un excellent épisode de True Story dans lequel je joue qui se passe à Venise. Attends, quand tu dis excellent épisode. Ah, je veux dire l'inverse. Ah, pardon. C'est la fin d'année. Et donc, oui. Don't worry darling, à Venise, genre il y a l'actrice principale qui n'est pas venue. Florence Pugh. Harry Styles, il aurait craché sur un des autres acteurs. En fait. Ah oui, ça j'avais vu ça. Et tout ça c'est autour du même film. Alors, ils se sont séparés avec Olivia Wilde, on sait pas. C'est ça, c'était ça l'histoire. Ouais. Uncharted, ça j'ai pas vu. Ouais, ça c'est le jeu vidéo. Le ça. Gaming, c'est ouais, pour. Ça, j'aime bien. Parce que toi c'est vrai que t'as le ciné, mais t'as aussi les jeux vidéo. Ah oui, non mais c'est les deux, voilà, c'est vrai que c'est un art que tu oui oui, bah j'ai mon émission sur YouTube Straf Headshot et après le loot. OK. Oui. Ouais. Très cool. Qui cartonne d'ailleurs. Qui cartonne. On est dans le top gaming YouTube France. Wow, putain, pas besoin d'aller regarder, je vous le dis. Oh, okay. C'était un lynx aussi tout à l'heure. Pas du tout un paresseux. Absolument pas, rien à voir. Et c'est une bonne transposition, tu trouves? Ben est-ce que là j'allais dire un vrai truc en fait. Est-ce qu'on a besoin de que Tom Holland fasse tous les rôles peut-être d'autres acteurs. Il fait Spider-Man, Uncharted et quoi d'autre? Ben, si tu le sais pas, mon pote, c'est la toile cinéphile. Bah non, mais il fait tant de trucs que ça, je m'en rends pas ouais, compte. Ouais, grave. Il en a fait plein. Vas-y, tu vas voir. C'est un peu là, je vois Spider-Man. Ouais, ouais. C'est Real 2. Non, il fait pas tant de films. Hein. Ah, Si tu devais adapter un jeu vidéo en film, ce serait quoi? Oh, c'est, mais ça, c'est une bonne question. Très ça. Bonne question. J'ai vraiment pas de réponse pour il l'instant. Il s'est étonnamment en disant ah, tu vois ça? Bonne question ouais, ça. Prends ouais, ouais, la graine. Ouais. Ouais, mais parce que du coup, moi, comme j'ai. Voilà, on me pose que je suis censé faire le zozo, tout là. Dès qu'il y a un truc où je peux répondre premier degré, ça me surprend. Bah alors, tu parles de jeux vidéo d'adaptation, comme oui. Ça te laisse le temps de réfléchir. Ouais, d'ailleurs. Tu m'étonnes. Moi, j'ai adoré les teasers que je vois de Mario. FIFA, je pense. Comme quoi, j'ai côté un peu. Bébé cadom de la nostalgie, mais oui. C'est vrai que là, le dessin animé Mario, vu qu'on l'a jamais vraiment eu en bien, ça me titille comme. Il y a plein de bonnes références. Ça me titille le tuyau. Oui, exactement. Un pédoncule. Mario, un pédoncule. Ouais, il y a Donkey Kong. Entre autres. Interprété comme... par Seth Rogen. Très bonne idée de casting, selon moi. Et c'est moi qui le fais en VF. Ouais. Oh, félicitations, c'est quoi. Donc, tu peux nous faire une petite phrase, s'il bien te plaît. Ce sera sans doute des youtubeurs qui jouent mal, plutôt, mais vas-y. Vas-y, oui. Bah, tu es pas youtubeur. Salut, c'est Donkey Kong, Mario. Ouais, bah c'est bon pour moi. C'est ma seule réplique de tout le film. Mais par contre, je l'ai dit 200, 300 fois. Ouais. Et le casse. Ah ah, c'est Mario alors. Et Luigi, un peu plus. C'est Luigi. Je peux essayer de faire Yoshi. Ah, bah, bien sûr. Cran. Ouais. Oh. Je peux faire un champignon si vous voulez. Vas-y. Je suis un champignon. Eh ouais, maman, je vais trop te manger, quoi. J'aime trop la drogue, quoi. Salut, c'est Bazaar. C'est Tim Seed qui fera la voix, je crois. Mais ils ont dû réanimer tout le dessin animé pour que Bowser se tire la tête ouais. Vers le haut pour ressembler à Tim Seed. Bien, ouais, bien sûr. Alors, bien sûr. Mais on a hâte de voir Super Mario. Bah ouais, en plus, c'est les gens d'Illumination qui sont déjà d'une, je le rappelle, d'immenses fans du Floodcast. Le créateur quoi, des Minions, c'est Illumination. Cocorico. Ah oh attends, c'est un studio français qui fait le. Bah là-bas, maintenant, c'est devenu énorme. Ah, c'est Worldwide. C'est Worldwide. C'est eux qui ont fait moins comme moche. Comme nous, c'était Worldwide. Ils ont fait Moi Moche et Méchant, Comme des Bêtes. Enfin, ils ont fait plein de dessins comme animés. Comme des Bêtes avec Marina Foïs et Denis Minochet d'ailleurs. Non, tu confonds avec Adbestas. Ah oui. Mais tu confonds avec L'Année du Requin. Et donc, c'est eux qui font Mario. Et pour la petite anecdote, le créateur des Minions, il m'avait envoyé un mail il y a quelques temps pour me dire qu'il écoutait le Floodcast. Oh, c'est trop mignon. Pendant qu'il écoutait de la gueule des Minions. Ouais. Voilà, Minion 3 est pas mal, frérot, si tu nous écoutes. C'est devenu un frérot Ouais. Ok, ouais, d'accord. Vraiment, ouais. Je l'ai pas vu. Très bonne tracklist. Pendant qu'il modélise là. Il modélise et hop, il se met un podcast dans les oreilles. Bah, ça, mais putain, ça me prend au trip. Voilà. Ça te fout les poils, je crois. Ça me fout les poils. Ouais. Okay. Et le fait qu'il soit chauve et mignon, ça te. Ça, c'est pour moi, ça me fait pas marrer, Pierre, en fait. Non, j'ai. Alors. T'as la réponse de ta question sur... Ben, en fait, le truc, c'est que. Je vais pas dire un film que moi j'aimerais adapter. Parce que en vrai, moi, si je, enfin, j'ai pas vraiment les compétences, parce que généralement les jeux, allez, bon, fais des phrases encore plus à rallonge qui vont nulle part, Adrien. Je vais peut-être d'abord réfléchir à ce que je veux dire et le dire après. Non, mais en gros, moi, j'ai pas des compétences techniques de malade et les jeux vidéo, c'est quand même ça qui est kiffant dans les jeux. C'est déjà... Mais en gros, un film que j'aimerais bien voir adapté et que j'irais voir et je serais sans doute déçu, mais quand même, je serais bien. Bah, Fallout. Ah ouais, post-apo, le post-apo. Ouais. Ils le font, hein, tu sais, ils sont dessus là. Ah bon? C'est Eli Roth qui le fait. Qui ça? Mais non. Eli Roth qui avait fait Hostel 1, 2, enfin des films d'horreur. Et, d'accord, et ils adaptent Fallout. Je retire tout ce que je dis, c'est Borderlands qui n'adapte pas du tout Fallout. Excusez-moi, ça s'appelle genre. On parle de sexe. Fake news. Okay. Ouais, Monkey Island. Monkey Island. Film de, enfin, jeu vidéo de pirate un petit peu. De pirate, ouais. Mais farfelu avec de l'humour et tout. Ça, je kifferais bien. Ouais. Mais et là, ouais, faire l'adaptation, ça, je. Mais film de pirate, un peu comme Jack Mimoune que tu as vu aussi, je crois, Adrien d'ailleurs. Je l'ai vu. Tu peux nous dire ta scène préférée. Alors. Bah, François Damiens, hein. Oui. Quand il est dans son avion et il dit « Oh, ça fait pas un drôle de coucou, ça !» Et puis, il y a un coucou dans l'avion qui fait « Coucou ouais. !» Et tu fais « Il fait ça, c'est un coucou !» Ouais. Voilà. Et après, il le branle. C'est toi qui as écrit ça. Ça, c'est moi, ça. Ouais. Bah, ça, c'est moi. Ouais, ouais. Voilà, on a hésité à la mettre dans la bande-annonce et puis on s'est dit « Ça, faut que les gens le gardent. » Ouais, ouais. Pour moi, ça se voit sur un écran de ciné. Ça se voit pas à la télé. Ah, ça, non, ce genre de blague, c'est... 75 mm. Il y a des gens autour qui rigolent. Non, mais ça n'a aucun intérêt. En tout cas, on note que je suis vraiment un super bon pote qui envoie de la force à ses frérots, quoi. C'est important. Écoute. Cela dit, j'ai fait beaucoup la promo du film alors que je l'ai pas vu. C'est très gentil. Mais je me suis dit, peut-être que quand je l'aurais vu, j'aurais plus envie de... Oh, je plaisante. Mais merde, c'est une mascarade ce film ou quoi? C'est ça que je vais me dire quand je vais le voir. Mais non, mais j'ai hâte de le voir. Mais je... C'était pour la blague. Je suis en dépression. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas allé voir ce film. Je n'ai rien fait. Crois-tu seulement que ça m'a vexé? Un peu, franchement, pas du tout. Non. Ce soit mérité. À l'Ouest, rien de nouveau. Alors celui-là, il n'est pas très connu, mais j'ai vu parce que je suis Pierre sur Letterboxd. Attends, l'adaptation du roman. Du célèbre roman. Bah, je l'ai lu pour le coup à l'école. Et j'ai vu que Pierre avait mis une très bonne note sur Letterboxd. Il avait beaucoup aimé ce film. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est l'adaptation effectivement du bouquin. Mais aussi il y a des vieilles images d'archives aussi. Je crois que c'est un truc, tu vois, des images d'archives où ils... Regarde-moi pour une approbation vu que... Non, je sais pas si tu parles le livre. Moi je connaissais pas le livre, mais moi je pensais que c'était une adaptation. En fait, il y avait déjà un film qui date de... On est d'accord que ça parle des nazis. Oui, c'est... Ouais. Enfin, non, c'est les tranchées. Oui, c'est les tranchées, ouais. Mais du côté les allemand. Tranchées, oui, voilà, de Camus. Les tranchées de Camus. Non, c'est la Première Guerre mondiale. Mais blague littéraire en fait. Oh là là, sur tous les niveaux, comme Mario. Bon merde, je suis trop fort. Je raccroche les wagons. Mais il bosse à SNCF. Je suis en roue libre ou quoi? Oh là là. T'es Zach. Donc oui. Oui, t'es Zach. Je l'ai, oui. Un artiste. Du côté aussi, putain, allez. Oui. À l'Ouest, rien de nouveau. C'est dans les tranchées, côté allemand, Première Guerre mondiale. C'est qui raconte en fait. C'est un statement un peu sulfureux qui nous dit la guerre. Pas ouf, quoi. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu du Bretagne bashing, quoi. De dire à l'Ouest, rien de nouveau. Oui, bon, bah, il se passe pas grand chose, mais de là à en faire un film, quoi. Bah, surtout que ça prend place aux vieilles charrues. Ouais. Et que moment, c'est genre. Rien de nouveau. Non, mais rien de nouveau, quand même, tous les ans, il y a des thématiques où tu te déguises différemment. Il y a eu les pirates. Il y a eu les super-héros. Ouais. Donc c'est un peu un faux procès quand même. C'est un peu injuste, je trouve. Dire qu'il n'y a rien de nouveau à l'Ouest, quand même pas mal de... Enfin, sur la scène exagérale. Les niniches déjà, les nouveaux parfums régulièrement. C'est vrai. C'est rien de nouveau ça? C'est très nouveau justement. C'est un très bon film que t'as aimé. Ah oui, très très bon film. Ouais. Faut avoir le moral. Moi c'est ça qui m'a... Bon. Ouais, bah oui, moi en termes de... Voilà. Non, mais parce qu'en plus... Cocorico un peu. On gagne à la fin. Non, c'est tourné en France, le set designer et tout français, tout ça. Mais c'est à part aux Oscars pour meilleur film étranger. Allemagne. Et je pense que c'est un sacré concurrent. Mais après, à côté, il y a Triple R. Ah oui, et Triple R qui est un peu mon chouchou. Ah bah vas-y, tu peux en parler maintenant. Mais c'est le film c'est ça. Mais non. C'est vieux Triple ça. Triple R. Bah, je sais pas comment on dit effectivement. Qui raconte l'histoire un peu comme de deux frères, de fauves finalement. Bah, oui. Mais pas de sang. Deux antagonistes, mais donc un qui est un peu... Des frères ennemis, un peu. Frères ennemis, exactement. Un qui est pro-gouvernement du côté des colons et tout ça, qui est un peu l'oppresseur. Et un autre gars qui est du côté un peu la rébellion. Et du coup, ils vont apprendre à se connaître, à s'aimer, et voir que peut-être qu'il y a des choses qui les rapprochent ou pas. Mais dans cette histoire, ce qui est intéressant, ce qui est un peu foufou, apparemment, c'est la mise en scène, les scènes proposées. En fait, ce qui est génial, c'est que là... Quand tu parlais de Marvel, le truc comme ça, c'est qu'il y a des patterns, enfin il y a des templates, comme j'adore dire, qu'on connaît très ouest, européen, ressemble un petit peu, etc. Et là, enfin, donc moi je suis très nu, j'ai des grosses lacunes en film, donc. Arrête. Tu démerdes super bien. Comparé à Adrien, bien sûr. Tu vois, du côté un peu, je sais même pas, c'est pas, je veux dire une connerie parce que c'est pas du tout Bollywood, mais c'est l'autre. Oui, non, mais voilà. T'en as rien à foutre. Ouais. C'est trop long. C'est trop long pour moi. Non mais oui, t'es comme tout à chacun, t'es plus cinéma américain, européen. Ouais, fatalement, voilà. Fatalement. Et là, j'ai découvert que... Je sais pas de quoi vous parlez, je sais même pas ce que c'est. Ah, des films de l'année. Je sais pas ce que le c'est. Le film de Triple R, ce que je raconte depuis tout à l'heure. Mais je sais pas ce que c'est. Dis au moins de quoi ça parle. Mais je viens de te le dire. Deux frères, mais ça n'a aucun sens, ça peut être 12 films là, ce que tu viens de dire. Merde à la fin. Pas tellement, parce que dans 8 femmes, il y a pas deux frères. Non, il y en a même pas un seul. C'est vrai. T'as bien fait fermer ton claque-merde. Et dans les 100 dalmatiens. Beaucoup plus, en plus, c'est pas des. Ah, c'est des frères et sœurs. Du coup, déjà, c'est sur un Dalmatien? Non, pas vraiment. Ils ont juste fait un spin-off sur deux des Dalmatiens. En Inde. Et c'est que le grognement, ils font. Les chiens, c'est ça, non? Oh non, mais si, oui, si, oui. Si. Oh non, non. Ils rattrapent les wagons. T'es un nichon, je bois du petit lait, t'entends? Une niche? Non, oh là là. Et donc. Scène d'action. Scène d'action, c'est fou! Oh là là, pardon. Oh là là. Un peu mal, genre, oh là là. Oh là là. C'est comme un grand-père qui lâche une caisse à table. Ouais, au repas de famille de Noël. Oh là là. Ouais, on est sûr là. Oh là. Il a même pas entendu. Merci Pierre de faire le paix. Bon, donc ces deux frères, ouais. Non, mais c'est disponible où? Parce que moi, alors, je voulais le voir, votre putain de film. À GhostVPN. Ouais, mais voilà, vous ou NordVPN. Bah, vous mettez votre VPN, vous mettez au Canada. Tout ça va être sur illégal. Netflix, c'est tout gratuit. Ça va être mais non, c'est pas illégal. Tu dis que les youtubeurs, c'est pas illégal ce qu'ils proposent. C'est de la. Ça, écoutez-moi bien. Ça m'en fout que des youtubeurs fassent de la promo pour des VPN. Il dit ça, mais il pirate. Oh là là. Pirate, c'est quoi toi? Ce bandeau sur l'œil. Ah, c'est vrai, putain, j'ai un perroquet sur l'épaule. Bah oui. Bah oui, non, moi je suis un pirate. Les 5 diables de Léa Missius. Alors ça moi j'ai adoré, c'est avec Adèle Exarchopoulos. Et pareil, je peux pas trop en dire parce que ce serait spoilé, mais c'est un super film fantastique, ça se passe dans la montagne française et c'est vraiment vraiment très très bien. Donc je vous invite à voir ce film, il est dispo en VOD. Ouais. L'image est incroyable, non, c'est vraiment un de mes films préférés aussi de cette année, Les 5 diables de Léa Missius. X de Ty West, pareil, je l'ai vu il y a pas longtemps. Très cool qui aussi. Fait partie, sinon, la future peut-être trilogie. Des titres de films où il y a juste plus qu'une lettre. Triple R, X. C'est des rappeurs ou quoi? Il y a des triple X en plus, c'est vrai. X, tu l'as vu toi? X, donc trilogie de Ty West, effectivement. Ah, c'est une d'horreur. Oui, il y a Pearl qui arrive, bientôt, qui est le préquel à X, et après il y a un nouveau qui va arriver en fin d'année. Ah, et c'est cool. Grec. Et donc, exactement. Et donc, un film qui raconte un tournage porno. C'est ça. Oh, il y a des nichons. Oh, le sexe. Il y a des nichons. Je vais vendre, je pense. Il y a des nichons et Kit Cudi. Il y a Kit Cudi. Pas mieux vous le vendre. Kit Cudi, du coup. Il y a des nichons et Kit Cudi. Kit Cudi, du coup. Ouais, c'est pas mal. Et il y a un antagoniste un peu rigolo. C'est ça. C'est très chouette. Qui change un petit peu, justement, par rapport au slasher où souvent c'est ceux qui pratiquent le sexe qui meurent en premier. J'ai l'impression que ça se joue un peu des codes. C'est rigolo. C'est du A24, donc des fois ça se la joue un petit peu. Ça se la joue un peu, voilà. Ça va. À voir dans la trilogie, justement. Novembre de Cédric Jiménez sur les attentats. Donc toi, tu l'as vu, Adrien? Je me suis bien marré. Je me suis bien marré devant ce film. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée assez géniale, moi j'ai trouvé, de mettre le bêtisier ouais. à la fin. Comme dans comme dans Les Anges Gardiens. Les Anges Gardiens, ouais. Oh non, c'est, je commence, j'ai chaud là. Ah, tu peux l'enlever ta chemise. Ah ouais, mais j'ai un collant. Ah, c'est vraiment le pyjama. D'ailleurs, pardon. Tu vas aller te changer, je te fais la t-shirt. Oui, t'inquiète. Pierre, oui. T'as un caleçon long au moment où je te parle ouais. ou pas? Ouais. Team caleçon long. Team caleçon long. Je savais qu'il en avait un. Mais ouais, je suis myopathe. Ah, moi j'ai un short, ouais. Ouais, non, mais là, j'adore. Enfin, boxer, on dit. Ouais, non, mais moi j'ai un boxeur, mais par-dessus je mets un petit caleçon long. Ah, et j'ai chaud aux jambes, oh là, ah, c'est ouais, un c'est régal. Très agréable. Et même à la maison, d'être maintenu comme ça, peut-être parce que je suis vieux, je sais pas. Ouais. J'aime bien, je me sens dynamique. Oh ouais. Là là. Non, mais moi dans les trucs de vieux que j'ai fait récemment, j'ai acheté un pyjama. Ah ouais? Un pyjama chemise un peu, tout uni. Ah ouais, d'accord. Ouais, attendez, bah, je vais vous montrer. Ah ouais, d'accord. Je suis Est-ce que t'as du coca, genre avec des bulles par exemple? Ah non. Non, okay. Non, j'avais bien entendu ton. Il est très bon ce coca. J'avais fait le chemin. Non, mais t'as pas des canettes. Des fois, t'as des canettes dans le frigo. T'as rien. Ouais. Ça, je suis vraiment désolé. T'es dégoûté? J'ai amené des marrons glacés. Moi, j'en ai pas mangé après. Donc, tu peux avoir un coca sans. C'est une double insulte. Ouais. Alerte rouge de Tomichi. Alors, ça, c'était sur Disney+. C'est le dessin animé Pixar. Ah! Ah! Où les femmes ont des règles et où ça a rendu dingue Internet, apparemment. C'est fou ça. Premier Disney où ça parle de règles. Et donc, apparemment, c'est un sujet. Oui. Mais super dessin animé, justement. Ouais, très bien. Trop, trop bien. Franchement, j'ai trouvé ça très décevant que ces trucs-là sortent pas au cinéma et se partent direct sur Disney+. Parce que... Mais quoi? Enfin, le but, c'est que ce soit vu par des gens, oui ou merde? Oui, mais je sais pas. Mais l'écran, mais merde à la fin. Je comprends où tu veux. Je l'aurais jamais vu s'il était sorti au cinéma. Mais c'est je sais, vrai, ça. Mais bon, bah voilà. C'est un argument marketing qui se tient. Si Adrien Méniel ne peut pas le voir. Plein de gens. Sont dans mon cas. Moi je trouve ça, et maintenant que j'ai un enfant, c'est cool d'emmener son enfant faire des sorties pour faire des trucs. Tu vas pas utiliser ton gosse pour à chaque fois. Écoute, comme déjà je suis fatigué et parce qu'en fait je m'occupe d'un enfant. Oui, non, mais emmener réponds à mes messages en fait sur WhatsApp. C'est vrai, c'est terrible, je réponds quasiment plus. Non, mais la scène de fin, la grosse bagarre au concert des One Direction là, enfin, ou de BTS, j'aurais trouvé ça vraiment bien au cinéma, c'est tout. Voilà, c'est juste. J'ai devant moi une énorme télé qui t'appartient. J'adore aller au cinéma. Oui, j'adore l'événement. T'aimes vraiment aller au cinéma? J'adore ça. Mais parce que tu vas dans des cinémas où il y a des vieux et t'as personne. Mais pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout. Je vais au Hall, pareil. Bah alors, alors de ta gueule. Alors. Donc au Hall, vraiment, j'adore, tu kiffes. J'aime le fait qu'un film. Adrien va. Mais je veux juste dire, Disney Plus, c'est une excellente plateforme. Ah, c'est une excellente plateforme. Mais vraiment, j'adore. Ah ouais, non, c'est très bien rangé et tout en plus. Non, je trouve ça vraiment bien. Une des meilleures pour moi. Ouais. Et puis en plus, je crois qu'ils très font bon peu... film à venir. C'est ce que j'allais dire. Ils font des trucs français en plus. Non, attention. C'est souvent d'une qualité assez. Je laisserai pas dire. Ah non, mais moi je dis pas ça. Ils font, ils donnent leur chance à des gens pas très connus. Et j'aime, pour revenir à pourquoi j'aime bien la salle, ça événementialise souvent des films. J'aime, je me souviens toujours des films que j'ai découverts au cinéma plus que des films que j'ai vus à la télé. Ce qui veut pas dire que j'ai vu des chefs-d'œuvre à la télé. Jurassic Park, je l'ai découvert à la télé, c'est un des films préférés, donc voilà. Je dis pas. Donc. Que... Mais événementialiser un film, je trouve ça super chouette. Et aller au cinéma pour voir un film, ça je trouve ça bien. C'est, tu t'habilles pour aller voir un film, tu te prépares, tu dois prendre une baby-sitteuse. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez chouette comme encore. Organisation. Bon, écoutez, voilà. Je suis sûr que. Hé, les auditeurs. Si mais vous... tous les trous de balles sont d'accord avec toi. Tu vois que je deviens ce mec. Je dis l'expérience de la salle, mais c'est des acteurs qui ne vont plus voir des films hors avant-première. Pour l'expérience de la salle, là, genre, tu vas voir des films. Littéralement, à Gambetta l'autre jour, quelqu'un vapotait. Ah là là. Dans la salle de cinéma. Putain, t'as dû sortir de tes gonds. Après, il est allé voir Fumer fait tous. Oh là là. Eh, ouais, je suis une gourde ou quoi. Encore de ce truc clapiche. Mais après, est-ce qu'il fallait encore. On l'adore. Hein. Encore, tu veux dire, excuse-moi. Encore, en un mot. Plus loin, c'est ouais, le PS. Okay. Ramener Michou et Elsa pour danser. De Danser avec les stars. Moi, est-ce que toujours. Bon, j'adore Michou. Hein. Mais la scène, où il dit, que... la scène où il va voir Pio Marmaille et Muriel Robin, quand même. Mm. C'est quoi exactement la réplique qui leur sort? Wesh les BG. Waouh. Bah, moi, cette scène-là, j'ai pas honte de le dire. Hein. Ah ouais. J'ai chialé. Et encore une fois, on revient à l'importance de la salle. Parce que dans une salle de cinéma, les émotions sont décuplées. Là, t'as vu ça en atmos, okay, quoi. Là, enfin, t'as écouté ça en atmos. Ouais. Et en plus, c'était au pâté Beaugrenel. Donc, quand il dit les sièges tremblent. Les sièges tremblent. Et là, bah oui, et puis les larmes. Hop, hop, hop. Ah, bah, t'es obligé. Mais t'es obligé. Ça te secoue les larmes hors du corps. Ouais. Oui, c'est vrai. Armageddon Time. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La suite d'Armageddon. Oui, oui. Aerosmith qui a un peu vieilli. Bah ouais. Aerosmith. And I miss you, baby. And I want to miss you. Je suis une grand-mère qui fait d'harmonica. C'est Lorenzo ça. Une grand-mère qui fait d'harmonica. Non mais voilà, Steven Tyler. Oui, qui a vieilli. Qui a vieilli un peu. Qui a vieilli. Mais pour un 2. C'est pas si mal quand même. C'est vrai. Franchement, moi j'ai été parce que. Mais en vrai, c'est quoi ce film? Non, c'est Jamie. C'était d'ailleurs assez fou cette année. Enfin, ça continue avec Fablesman de Spielberg. C'est un peu l'année où les grands réals font des films un peu sur leur enfance. T'as l'impression qu'il y a eu Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Fablesman de Spielberg. Il y a eu Licorice Pizza avec Junio. Qui sont en fait juste des choristes qui disent pizza. Tu veux une margarita ou une trois fromages? Attention, il y a de l'huile piquante, ça va finir en hot one shake Yann Kojandi. Hot one shake Yann Kojandi. La promo du film, mais ça sera drôlement bien trouvé parce qu'il y a de l'huile piquante. L'huile piquante. Pili pili. Mais c'est pas ma merde! Vous avez demandé un coca, j'ai que du Pepsi. Finalement, l'ananas dessus, c'est pas si grave. Voilà, un petit extrait du film Les choristes de pizza. Paul Thomas Anderson. Je sais pas si vous vous souvenez des choristes, c'est ce truc. Paul Thomas Anderson. Je sais pas si vous vous souvenez des choristes, je sais pas si les gens, si nous on est dans un état de, ouais, on rit à tout, et est-ce que vraiment les gens vont écouter ça, genre, allez, Paul Thomas, allez, comment on se désabonne d'un podcast, Paul Thomas, ils ont tous ri à cette blague, allez, le prénom Thomas, c'est ça la blague, allez, comment on remet l'iPhone à les réglages d'usine là, voilà, je veux plus en entendre parler. Oh merde. Désolé, Acast. Non. Bon, ça va. T'inquiète pas. Non, mais par contre, si vous voulez la version sans les jeux de mots, faut souscrire à Acast Plus, qui est seulement 8,90€. Comment t'as prononcé? Acast Plus. Prisonnier d'Acast. Bah. C'est inaudible. Mais c'est ça. Bah, c'est ce qu'on veut dans cet épisode. S'attendre. J'ai plus ou moins mal à la tête. Ouais. Armageddon Time, donc c'est James Gray qui raconte son enfance où lui était pote avec un enfant noir, tout simplement, et qui vivait le racisme, et qui lui était plutôt d'une famille aisée, mais d'immigrés bah, ukrainien, je crois d'ailleurs, mais en tout cas de l'Europe, de juifs d'Europe. Juifs ukrainiens. Ok. Et qu'on fuit la guerre, et donc du coup, il y a un peu ce truc de revivre une persécution. Ouais. Et pas une perquisition, qui est vraiment pas du tout bon. Ils font des percussions à un moment, mais ça n'a rien à voir avec. Oui. Mais d'ailleurs, enfin, c'est plus que des percus, c'est des bambous. Et d'ailleurs, ils sont tous numéro 1 à un moment. Ouais, ça dessus. Ouais. Bon, bref, et moi j'ai trouvé que c'était un super film. Et alors, sur Letterboxd, le Pierre Labzouz, il a fait une petite critique caustique. Donc il a le secret, il fait grâce à James Gray, j'ai appris que le racisme c'est mal. Oh, je suis pas là. Mais non, mais tu peux pas lui enseigner tout ça, parce ce mec. Ce mec-là est tellement. On dit même plus woke pour Pierre, on dit insomniaque. Parce qu'à aucun moment il est endormi, tellement il est woke tout le temps. Somnambule, mon pote. Il est somnambule. Mais non, mais c'est pas ça, mais déjà, là, tout ce que tu viens d'évoquer, genre des réalisateurs, donc ils sont pétés aux thunes, et à un moment. Ils vont dire genre si je parlais de mon enfance, on s'en branle. Alors là, on s'en branle. J'ai parlé de moi qui déjà dans le jardin avec la caméra des parents, je faisais déjà mes petits courts-métrages, mes petits films. C'est un rêve de gosse, le cinéma pour moi. Mais rien à voir. Bref, non mais c'est ridicule. En tout cas, visiblement tu hais que les réals parlent d'eux-mêmes. Apparemment. Ouais, si on peut mais dire, non, mais c'est on pas ça. Un pattern, hein. Non, je veux bien qu'on parle de trucs que vous ne connaissez pas du tout, c'est mais non, mais c'est pas... Mais voilà. Tu veux dire, ayez un compte Twitter. Il veut te parler du racisme et trucs comme ça. Ses parents sont horribles. De quoi? De qui? Du gars? Du gamin. Le gamin est horrible. What? Ses parents sont horribles, what? Racistes. Mais... Il frappe le gamin. Oui, mais ça c'est... T'as juste le grand-père qui fait genre « Ah, je suis vieux. J'ai pas bien d'être raciste. » Et qui chante. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Mon pote est victime de racisme. Qu'est-ce que je fais? Rien. Et fin de l'histoire. Bah non, il essaye de faire c'est des choses. C'est trop inspirant, bravo. Mais oh, t'es dur. Il est dur. Oh non, ça m'a saoulé. Moi, j'ai adoré ce film. Voilà. J'ai adoré ce film. Battons-nous. J'ai trop... Non, comme les Brigitte. Mais parce qu'il y a des familles, oui, des gens sont parfois horribles, mais justement, ils sont dans leur dualité. Il essaie d'être oui, quelqu'un mais tu vois, bien, le côté genre, oh, c'est mon enfance, tu vois, il y a un petit écrin, genre, oh, c'était pas mal, doux amer de l'enfance. Le film. Non, moi, c'est dans le film, donc en fait, je m'en fous même que le gars. Mais c'est comme Licorice Pizza, je suis le masque et la plume. Il a pété. Ouais. Sans filtre, Triangle of Sadness. Ah, alors, bon, allez. C'est la suite de Fumer fait tout seul. Oui, exactement. Qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Toi, tu l'as vu, Pierre? Oui. T'as bien aimé? Alors ça, t'as aimé, ça un truc est... de gauche, de gaucho. Non, parce que si c'est de gauche, c'est pas assez de gauche pour lui. Oui, vous voyez ce que vous faites de moi là. Vous voyez ce que vous faites de moi. Super. T'as bien aimé? Mais regarde. Il est embêté, il a. Il est embêté, il est embêté. Il est embêté parce que c'est exactement ce que je viens de dire, la vérité. Vous voyez? Non mais Johan Cornella là. Oui. Voilà le film. Ah. Ça se veut subversif comme ça. Genre, après, moi j'ai bien rigolé. T'as Ronald McDonald qui bouffe un hamburger et le hamburger en fait c'était un enfant depuis le début qui l'a volé à une pauvre. Puis bon, allez, c'est bon. C'est un peu ça. Mais en fait, j'avais des gros a priori sur Robert Osloune. Ouais. Je connais le réal, je suis cinéphile. Je connais Robert. Je le connais. Ceci, Robert Osloune. Robert Osloune. On achève bien les chevaux. On achève bien les chevaux. Mais oui, mais c'est quoi? C'est Robert. C'est pas Omar Sharif ça? Mais non. Ça c'est. C'est pas le tir, c'est les courses, c'est ma grande passion. Si, mais rien à voir. Bah si, les chevaux. Bon, allez, voilà. Merde. C'est un scandale cet épisode. T'as même mangé mes marrons glacés. Non, mais après, il y a eu. C'est rigolo. Et moi qui suis un peu scatophobe. Oula, oui, ça a dû être difficile. Et en vrai, ça a été. Ah, ok. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vomi de caca. Mais il y a plus de vomi que de caca. Il y a surtout du vomi. Il y a beaucoup de vomi. Adrien, pardon. Non, mais moi j'ai adoré là parce que c'est un peu découpé en trois parties. Oui, c'est vrai. Et moi ça a été un peu décrescendo. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la première j'ai trouvé ça incroyable. Génial. Deuxième, c'était rigolo, mais voilà. Et alors la dernière partie, moi ils m'ont complètement perdu. Et la toute fin, à pas loin de m'agacer. Oui. Cette espèce de truc de où on dit pas vraiment ce qui se passe et tout. Quand ça dure 2h40, tu vois, il y a un truc de. Dis-moi vraiment comment un peu pisse froid sur tout ce que t'as fait tout ça. Ouais, je te check en fait, Flaubert. On parle de Triangle of Sadness. Ouais. Bien sûr, ouais. Sans filtre en français. Elvis, pareil, un film de 2h40, film biopic, et vous serez surpris, de Elvis sur Elvis Presley, le célèbre chanteur. Qui l'a vu? J'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, enfin. Moi j'ai bien aimé. Non, j'ai vu un extrait où il y a quelqu'un qui va chez le roi Merlin et qui dit. Et c'est Perseus. Il dit Elvis. Bah oui. Oui. C'est la scène post-générique, mais effectivement, faut les vrais cinéphiles restent jusqu'à la fin. Bah oui, c'est ça. Même si la lumière se rallume, vous restez. Non, c'est important. À la fin du générique, ça pour le coup c'est vrai, il y a Elvis qui est chez lui. générique Ramsey. Il est chez lui, Elvis, et il y a Dick Rivers qui vient le voir et qui dit venez, on monte une équipe. Et en fait, ils vont faire comme Avengers avec Elvis. Il y a Elvis, Dick Rivers, Eddie Mitchell, je crois. Eddie Mitchell, ouais. Toutes les vieilles canailles. Enfin voilà, et c'est, ouais. En fait, Avengers, le titre sera Vieilles canailles. Voilà, tout c'est Jacques Dutronc qui fait Groot. C'est ça. Oui, c'est vrai. Dutronc Groot, parce que c'est un arbre. Oh, c'est... mais oui. Ah, bah oui. Magnifique. Je crois qu'Adrien, on l'a perdu. Ah, non, mais je pensais que c'était gratos, mais non, c'est non, juste ouais. Une masterclass de moi. Elvis, non, tu l'as pas vu, Adrien. Ouais, ouais, quand il chante là. Mais ce que j'aime bien, c'est ton moment préféré ou c'est pas ça, ouais. Non, mais une réalisation un petit peu épileptique, j'ai trouvé. Par un plan qui dure plus d'une seconde. Waouh, wow, c'est YouTube, quoi. Ah bah c'est TikTok. Bah c'est TikTok pour c'est moi. C'est TikTok le film. Alors c'est, là, c'est Baz qui fait ça souvent. Baz. Ouais, Baz Rutten, le combattant de MMA, bien sûr. Baz le groupe. Alors. Jazzy. Bien sûr, je connais Jazzy Baz. Je connais Jazzy Baz. Je connais bien Elvis. Non mais en fait le truc c'est qu'il y a une scène post générique. Ah oui, carrément, ouais. Mais ça c'est vraiment les vrais cinéphiles. Oui, faut vraiment je crois qu'il faut rester 25 minutes après la fin du film dans la salle, donc c'est vraiment les vrais cinéphiles. Et non mais c'est il y a un moment où bah on sait qu'à la fin de sa vie Elvis il était plus très très en forme et il disait et il y a la scène où il dit oh là là mais j'ai aucune énergie, il me faudra des vitamines et tout. Et lui dit, bah, je sais pas, bois du jus d'orange. Il dit, mais j'ai pas de jus d'orange, j'ai que des oranges. Et elle lui dit, bah, presse-les. Et effectivement, c'est comme ça qu'on fait du jus avec un fruit à jus, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vois que là, vous êtes un petit peu bouche bée. Vous êtes bouche bée, mais c'est. C'est vrai. De se dire qu'il savait pas ça, le mec, alors que c'était une superstar, c'est dire à quel point les artistes sont un petit peu dans leur bulle. Ouais, enfermés quelque part. Le mec ne sait même pas qu'on fait du jus d'orange comme on fait du jus d'orange. C'est ça, c'est ouf. Top Gun Maverick. Oh la vache. Alors, ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Incroyable. Guns N' Roses. Ouais. Oui, aimé. Incroyable, ouais. Franchement. Plus gros succès de l'année au cinéma. Hein. Il fait ses cascades lui-même, vous savez ou pas ça? C'est vrai ça, il est foufou. Hein. Dans l'espace, peut-être. Oui. Paraît-il. Donc c'est la suite. Bon, j'avoue, là pour le cinéma, j'étais content d'être sur. L'expérience de la salle. Sur la toile. On n'est pas essentiel. C'est vrai. Je crois bien que si. Si, c'est bordel. Vrai. Voilà. On rapporte plus que l'automobile, je te rappelle. Putain. La culture. Bouffer du popcorn, merde. Top Gun Maverick, ouais, super film, très très impressionnant. Oui. Franchement, vrai kiff de cinéma. Et ça applaudit moi à la fin quand même, ce qui est toujours aussi comme quand un avion atterrit. Oui. Ouais. L'immersion est totale. Tout se recoupe. Comme quoi l'immersion est totale. C'est vraiment l'immersion est totale. Toi tu l'as vu? N'empêche, quand même, j'ai une vivacité d'esprit, non? Non. Parce que là. Là c'est rapide. Non, non mais je veux le dire. Pour j'ai moi, quand même 42 ans. Pour moi, t'es un avion dans Top Gun. Ouais, je dis moi. Je vais passer le mur du son sans poser de questions. Non, je me place ça. Efficace. Wow. Suis ma direction. Oh. Top Gun Maverick, est-ce ouais, que tu l'as vu? Bon film ça. T'as bien aimé? Ouais, ta scène préférée? Bah en fait c'était tellement bien que je me suis dit mais attends, j'ai vraiment vu un tel chef-d'œuvre ou alors est-ce que c'était un mirage? Nope, de Jordan Peele. Ouais. Quatrième hein, du top, hein, quand même, hein, très très haut placé. Demande-moi si je l'ai vu. Tu l'as vu? Nope. Il est fort. Ah bah, oh merde, on pourra pas en parler du coup. Tu l'as vu, Tapia? Oui, vas-y. T'as bien aimé? Non. Ah, ok, bah moi j'ai adoré. J'aurais pu dire nope. Mais... Nope, oui, pardon. Oui. Bon, on va pas trop en dire parce que moi je ne savais rien du film et c'est peut-être aussi pour ça que je sais pas. Ça. En tout cas, ça a eu un effet buff sur moi en tout cas. Parce que je savais rien quoi, donc je me suis vraiment tout pris dans la gueule et j'ai vraiment kiffé. Toi t'as pas aimé un peu trop quoi, un peu trop, sans trop en dire. C'est mais... pas assez de gauche pour lui. Non. Oh bah non, parce que oh non. Ah là, là, ça on est déconstruit dedans. L'industrie et trucs là, comme ça. Là on est les pieds dedans. Oh, là, là, ah, là, non, non. Non non mais bah, ça se touche la nouille un peu tu d'ailleurs, vois. D'ailleurs ça s'appelle Nope, mais ça a failli s'appeler Nups tellement. C'est... Ouais. Donc, c'est te vrai, dire. Ça. C'est un peu des références pour cinéphiles donc ça. Bravo. Oh, tu ouais. T'es régalé. Il y a du Spielberg et tout. Non mais je trouve ça un peu gros sabot et en fait. Jordan Peele, j'ai l'impression qu'il veut faire deux films tout, en même temps, tout le temps dans d'accord, un film. Okay. Et je trouve qu'il y a un axe qui est incroyable, ouais. Gordy. Ouais, je ouais. Dis ce mot-là pour ceux qui sachent. Ouais. Mais après, ça me perd un peu trop, c'est un peu indigeste. Mais moi, j'aime bien, moi, ce que j'aime bien dans ce truc-là, j'entends ce que tu dis, mais c'est que ça me donne envie de revoir le film. Ouais, pour faire des théories de, bah, pour non, ton podcast, c'est pour, ça. Pour mon, parce qu'on a un troisième. Oui, c'est ça. Non, mais même parce que je me dis, ah putain, je crois que je suis passé à côté de certains trucs, mais vu que j'ai kiffé l'expérience dans son ensemble, j'ai envie de le revoir parce que j'ai juste envie de me dire, ah, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas capté et tout. Et ouais, aujourd'hui, vraiment, à l'heure où on bouffe, voilà, on consomme de la culture, je trouve ça cool d'avoir des films qui donnent envie, font un petit goût de dire, viens-y, quoi. Moi, ça m'énerve. Je comprends. Mais après, il y a un enfant qui se prend un énorme pain dans la gueule et c'est un très beau moment. Ça, c'est bien. Toujours agréable. Ah, bah alors... moi, il y a un truc qui me manque, je me suis rendu compte, c'est Jordan Peele drôle. Ouais. Parce il y a des bonnes vraiment... dans nos parents. Ah ouais. Bah franchement. Non mais lui-même. Mais oui. Après c'est juste que voilà, il a choisi de faire un plan de carrière totalement différent de ce qu'il avait avant. Mais c'est vrai que quand je le vois en interview et tout, avec un énorme cardigan et des lunettes et tout, et qui ne sourit même plus maintenant, je suis genre, ah, j'aimais bien quand il était drôle. Mais Nope est très drôle. Hein. Enfin Nope a quand même des, tu vas me le dire combien de fois. Merde, j'ai compris. C'est pour dire aux gens. C'est une comédie. Le petit gars qui bosse chez l'équivalent de Darty là, il est très marrant dans le film, moi je trouve qu'il est vraiment cool. Mais oui, je suis sûr qu'il est toujours très drôle, mais à chaque fois j'étais en fait il m'a tellement fait rire ce mec. Ce con. Tu as vu Keanu leur film Oui, bah pas très bien. Bah c'est ça, tu vois, il était pas très drôle ce film, c'est un peu déçu. Mais après, ce qui est cool, c'est que Jordan est très bon conducteur. Parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui a traversé la route à un enfant. Ah oui. Et Jordan pile. Il a pas percuté le gosse. Exactement. Ouais, ça fait plaisir. D'ailleurs, tu disais frapper un enfant. Oui. Il y a quelques coups dans le prochain film. Parce que c'est Everything Everywhere All At Once. Alors, ça, tout partout, tout le temps. Tout en même temps. Alors, je l'ai vu il y a 3 jours. Ah, tu l'as vu? Alors, pour être cool, faut dire que c'est de la merde, Adrien. Voilà, je te dis. Ouais, bah, mais moi je m'en branle. Mais j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que c'était trop long. Voilà. Ouais. Je sais pas. Oui, en fait. Il dure 2h20 hein, quand même. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, ce qui est assez contradictoire. Alors là, je suis premier degré. Hein. Il n'y avait pas de jeu de mots. Donc non, mais je veux dire, c'est que c'est un ventre mou. Mais qui est pas du tout mou en fait. Enfin tu vois, c'est juste c'est que on ressent un truc. En fait, moi ce que j'ai ressenti, c'est à un moment je fais oui, bon, on a compris quoi. Ouais. Tu vois, il y a juste un moment où c'est un peu juste une démonstration du concept de je veux pas spoiler enfin le truc aller piocher dans les univers parallèles et tout. Et au début, tu fais ah ouais, putain, trop bien. Et après en fait, ils font pas tellement monter le concept. En fait, c'est juste une suite de démonstrations de concepts. Et tu fais genre, oui, ok, donc il va piocher un truc. Et du coup, tu parfois, te fais ils sont un peu bloqués, je trouve, sur certaines, justement, storylines d'univers parallèles. Typiquement, ils sont obligés de finir le truc de... Même si ça m'a fait rire, hein, attention, Ratatouille, ouais, voilà. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que déjà, c'est une référence à Ratatouille, donc vous savez à quel point ça me touche. Bien sûr. Mais après, moi, j'ai pris un pied monstre dans le film, j'ai vraiment beaucoup rigolé, les scènes de combat sont géniaux. Incroyable. Parce que Michelle Yeoh est vraiment une des plus fortes de l'histoire du cinéma là-dedans. J'ai pas vu tous leurs films, mais je l'ai préféré au film avec Paul Dano et Daniel Radcliffe, aussi, avec ouais. Le cadavre qui pète. Ah, Swiss Army Man. Ah, j'avais bien aimé, moi. Mais je crois que j'ai préféré celui-là. C'est vrai. Et je trouve. Et en fait, c'est ça. C'est, encore une fois, c'est trop long, quoi. Et Jamie Lee Curtis. Incroyable. Jamie Lee Curtis qui est incroyable. Et ça, et... horrible et génial en même temps. Ouais. Et non, moi, j'ai aimé. J'ai kiffé, mais comme souvent, je trouve ça trop long. Et la fin qui traîne un peu, je trouve aussi. Ouais. Mais c'est joli, il y a eu des très jolis films sur la relation mère-fille cette année, parce que Turning Red, Alerte Rouge et celui-là, ça se répond un peu. J'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que je trouvais que c'était super bien fait. Donc ouais, t'as kiffé toi, Pierre? Ouais, j'ai pleuré. Et où l'as pleuré? T'as pleuré? J'ai pleuré d'autres fois. Ah, moi aussi. Mais bon, après, je pleure chaque jour. Non, la musique est folle, Sun Lux derrière, qui est trop bien. Et puis vraiment, d'avoir des vraies émotions. Et le comédien aussi, alors j'ai oublié son nom, je veux pas mal le dire, mais qui jouait dans Nina Jones. Qui jouait Data, oui. Oui. Moi, j'ai qui a reçu le prix. Mais bon, en plus, le truc, c'est que moi, bon, je suis un vieux pépère. Oui. Moi, je savais pas qui jouait dedans. Et donc je l'ai vu et il y a eu un truc de oh putain alors, bah, Yehui Kwan voilà. Ouais. Et donc il joue Data dans les Goonies et qui joue Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Bien sûr. Je connais les films un peu. Podcast. Non, et du coup j'ai pas tout de suite capté que c'était lui, mais après quand je l'ai reconnu, il y avait un peu une petite émotion qui était cool. Et je trouve que parce que moi j'ai beaucoup de mal avec par exemple, moi j'avais pas aimé Scott Pilgrim. D'accord. Pas trop aimé. Enfin, j'ai bien aimé, mais pas trop. En fait, ce qui m'avait agacé, c'était qu'il y avait beaucoup de maniérisme, je sais pas comment on peut dire, mais c'est trop de choses quoi. Non, mais la réale où tu sens qu'il a envie d'avoir une idée par plan, ouais. Et c'est genre oui, bon, sinon juste filme le truc, c'est pas très grave si on se dit pas que t'es un génie à chaque fois. Et ça m'avait un peu gonflé dans. Je sais que beaucoup de gens ont adoré Scott Pilgrim. Pour ça, moi, ça m'a un peu gonflé. Je trouve que c'est un réalisateur génial, mais je trouve que là, il en faisait trop. Et je trouve que là, dans ce film-là, il y a un milliard d'idées, mais qui sont toujours justifiées et qui sont vraiment au service de l'histoire et du concept et tout. Et donc, du coup, c'est trop bien de voir des gens hyper créatifs et qui se branlent pas la nouille et tout. Et j'en profite pour dire qu'il y a le podcast Script Notes, qui est un podcast sur l'écriture de scénarios. Et un des derniers épisodes, c'est les deux scénaristes, les Daniels, qui sont invités, qui parlent un peu. Du coup, je vais pouvoir finir de l'écouter. C'est le bon côté des périodes des Oscars et tout, parce qu'il y a plein de tables rondes, de nommés et tout. Et donc, tu as des discussions super intéressantes. Rien à voir, mais il y a Adam Sandler et Brendan Fraser qui ont échangé sur le métier d'acteur récemment parce qu'ils avaient joué dans une vieille comédie au début des années 90 où ils jouaient une parodie de groupe de rock. Et pareil, il y a Jordan Peele justement qui discute avec plein de scénaristes qui ont fait un peu les films de cette année. C'est toujours super intéressant ces moments-là. Donc voilà. C'est sur YouTube, non, mais très bon film. Mais voilà. Licorice Pizza, alors ça, on sait que t'as pas trop aimé du coup. Je comprends pas. Voilà, moi ça m'a parlé, ça m'a plu. Enfin, voyage à Los Angeles à une époque, j'imagine. Mais après, en fait, le film, le gamin est horrible, une fois de plus. C'est vrai, moi je les aime bien, du coup, c'est peut-être moi qui suis horrible. Il a 16 ans, je pense, je te dis, en 2022, il vendrait du NFT, le mec. Franchement, oui, il est insupportable. Contre, il est pas très sympathique, mais. Et pécho, une meuf qui sort avec un mineur. Ouais. Cette meuf se fait bully par tous les mecs qu'elle voit, tous les mecs sont horribles. Ouais. Et à la fin, tu dois croire à leur histoire d'amour ou quoi que ce soit. Après, l'histoire d'amour m'a pas du tout touché par contre. Ça, c'est vrai qu'alors que souvent chez Paul Thomas Anderson, je suis très touché. Ah bah, oui. Et là, effectivement, moi j'ai pas eu trop d'émotions. Après, il y a des scènes, toute la scène où ils vont chez justement Bradley Cooper, oui, voilà. Tous ces trucs-là. Mais il y a assez de moments qui m'ont fait kiffer dans le film pour que je sorte content. Quoi. La BO, j'ai adoré. Les images sont belles. Et puis moi, voyage à Los Angeles. Déjà, tu m'as eu un peu quand même. Ouais, bien sûr. Que j'adore cette ville et voilà. Quoi. Mais moi, on me l'avait. Alors, c'est peut-être l'erreur, hein, j'en sais rien. Mais moi, on me l'avait vendu en genre, oh, toi, tu vas adorer. Parce que moi, j'aime beaucoup. Paul Thomas. et puis, c'est le fils de Philippe Seymour Hoffman. Bien sûr. C'est ça. Et ça donne une petite touche en plus. Hein, oui. Voilà, et donc, même, peut-être même, ce, même toi qui m'avais dit, toi, tu vas adorer, c'est le fils de Philippe Seymour Hoffman et tout. En tout cas, lui. Qui est un de mes acteurs fétiches, je l'adore. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, dès qu'il y a un plan sur lui, tu vois beaucoup son père quand même. Oui. Ouais. Beaucoup, mais du coup, j'ai commencé à le regarder et j'ai pas trop accroché. Oui, ça m'étonne que je te dis que t'aimes parce que c'est quand même chiant. Hein. Enfin, non mais c'est. Après, je suis pas un immense beauf. Non, c'est pas ça que je dis. Non, mais... non, mais je vois le petit sous-texte. Non, parce que t'avais aimé Common avec Joaquin Phoenix, qui est un film très lent aussi. Ouais, bien donc, sûr. Voilà. Mais voilà. Je me tais un peu. Je sais pas. Oui, j'avais pas trop accroché. Donc, faudra peut-être que j'insiste. Mais bon, voilà. Ouais, un bon avis là que je viens de donner, mine de rien. Et enfin, et je sais que tu l'as vu, Adrien, le numéro 1 pour le moment. Le GOAT là... Jack Mimoun. Ouais, c'est fou. Hein. OMG. En VOD et tout bientôt. Non, parce que là, encore une fois, on fait le top. Il y a Avatar 2 qui est toujours pas sorti, qui peut-être va être adoré des gens, etc. Mais iconique. Pour le moment, le numéro 1, c'est The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, Colin Farrell. Paul Dano, est-ce que tu as vu Pierre? Oui, j'ai vu. T'as kiffé? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Bien sûr. Oui, ça va. Sympa. Ça va. Un peu long, je trouve. Et c'est ce que j'allais dire. Mais moi, après, c'est ma critique sur à peu près toute œuvre qui existe, un concert ou un film. C'est trop long. En l'occurrence, tout est trop long. 2h56. Donc là, voilà. Quand même et puis le dernier arc là qui est rushé et que je trouve vraiment bébête. C'est un peu surprenant. En fait, moi, je trouve que c'est il y a des belles images quand même. Moi, quand il est dans l'eau avec le truc et tout, ça va un peu. Puis là, pour le coup, avec Adrien 1, on l'a vu dans de très belles choses. On l'a vu au pâté de Beaugrenelle là, avec les sièges. Ça devait sentir. Ouais, mais ça, on en voyait, cela dit. Du pâté, je veux dire. Oui, bien sûr. Il y a un truc en fait où, en théorie, tu comprends ce troisième acte. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, de policier, il devient pompier, quoi. Grosso merdo. Mais c'est vrai que du coup, il y a toujours ce truc où, bon, on spoil un peu The Batman, si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu. Une fois que t'as battu le méchant, c'est dur de continuer un film, quoi. Vu que là, le grand méchant est en prison. Oui, puis même le plan est bizarre, ouais. Littéralement, tu es à Gotham, c'est New York. Je crois. Gotham Ga, le French Monster. Gotham Ga. Gotham Monster. Donc, littéralement, à New York, déjà en Amérique, tout est plus grand. On est d'accord. Vrai. Pas New York, attention, c'est Gotham. C'est Gotham. Mais, voilà. Non, mais c'est juste pour les concepts que les gens puissent connaître, parce que tout le monde ne bouffe pas des comics ou quoi que ce soit. Okay. Je vulgarise. Ouais, ok, c'est de la vulgarisation de Batman. D'accord. Rappelons d'ailleurs que le cinéma a besoin d'être vulgarisé, c'est tellement compliqué à comprendre. Pas du tout, mon prochain surtout podcast, Batman. C'est... vulgarise le cinéma, bientôt, mon podcast. Non, mais donc, aux États-Unis, tout est plus grand. Ouais. Il y a quoi ? Il y a des gratte-ciels. Les gratte-ciels qui sont des immeubles assez géants. Il y en a beaucoup à New York, énorme. Donc Gotham. Inondé, la ville est inondée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va au Madison Square Garden, qui est littéralement une piscine. Non, voilà. Ouais, je vois où tu vas. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais c'est toujours le problème d'adapter des comics. Il y a une petite licence poétique des comics qui a du mal à faire le pas. Surtout quand tu veux faire un truc très sérieux, très premier, très Batman, ça peut exister. Du coup, tous les trucs qui sont censés pas trop exister, enfin tu vois, ça oui, marche oui. Dans un film, ça peut être un peu plus ridicule. Mais c'est joli, mais, voilà. Mais j'adore le moment où il dit t'es pas mon père à Alfred. Moi j'aime bien le fait qu'ils disent t'es pas mon père et non il dit t'es pas mon père et puis en plus mon père c'est un méchant et Alfred il est en train de dire mais pas du tout c'est un gentil. Ok pardon. C'est vraiment les deux scènes s'enchaînent à une vitesse. Genre non quoi il a fait ça mais pas du tout il vous a menti c'est le pingouin c'est le méchant qui vous dit ça évidemment qu'il vous a menti ah oui effectivement ça tient debout oh pardon oh ouais. Je suis Batman à devoir un peu non la suite, la suite alors ouais, par contre suis, ouais. Pareil et ce que j'ai pas compris dans ce Batman que j'ai vraiment adoré oui, donc, mais du coup il y a quand même un méchant qui fait une apparition qui alors qui fait c'est le retour c'est la société qui m'a changé Je ne vais pas pleurer. Il apparaît, donc c'est une nouvelle forme encore du Joker. Oui, ouais, ça y est, maintenant. Ouais. Vu, chacun c'est, le mec, c'est, Joker. Un, ouais. C'est un Danao maintenant. C'est-à-dire qu'à un moment. Bah, c'est un Danao avec Paul Danon. Oui. Paul Danao, oui. Il a haussé des C'est la seule raison pour laquelle on pourrait aller sur Twitch. C'est juste voir Adrien me lancer des regards, hausser un peu les épaules, faire des petits sourires. C'est tout important. Tout ça, c'est très bien. Voilà, alors, chers amis, on a fait très long, mais je vais évidemment couper pour prendre la substantifique moelle de ce podcast. J'ai listé plein d'événements qui sont passés en 2022. Alors, good vibes only, hein, parce que bien voilà, sûr. On va pas rester sur des trucs. Voilà. Et un des événements qui a fait un peu parler, est-ce que vous avez une idée comme ça, un peu. Voilà. Bah, le Z-Event. Oui, avec bon, Alain Chabat. Oui. C'est vrai qu'Alain Antoine Chabat. Daniel qui d'ailleurs le GOAT. Voilà, on en parle. Mais un petit bisou vrai, à Antoine Daniel bisou. Qui a quand même pitché le Floodcast à Alain Chabat. Oh la passe D. Il y a une vidéo. Bon, passe D non, parce que je pense qu'il n'y a pas eu but derrière. Ouais. Je pense que Chabat a écouté poliment et est rentré chez lui en se disant qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce podcast. Je pense même qu'il n'a pas plus pensé à la question. Mais très beau. Il a dû rentrer chez lui en se disant qu'est-ce que ça puait dans cet événement. Tout simplement. Non, mais très très joli geste d'Antoine. Merci. Adorable. On l'avait déjà remercié, mais voilà, on le fait officiellement. Ouais. Très très cool. Voilà. Très sympa. Le GOAT. Il y a eu la gifle de Will Smith cette année. Oh, oh là là, genre là, je suis complètement passé à côté. Jamais entendu parler. Moi, de typiquement, ça. Là. Il y a le retour là de Will Smith en vérité. Je sais pas si vous avez un peu ah, suivi. Le revers, ah, le revers de la gifle. Oh là là là. Non, mais quoi, je suis. Très vite. Guillaume Meurice. Ah, un des événements de 2022 aussi, c'est notre passage à France Inter. Ah hein, ouais. Oh, putain, ouais. Iconique. On y reviendra. Donc oui, la gifle de Will Smith. Will Smith revient en ce moment. Il en parle un peu en disant oui, bon, j'étais peut-être. Mais là, il y a la promo du nouveau film Apple, c'est ça ? C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Surtout... Peut-être ça, non ? Ouais, ouais, ouais. Ça doit jouer un peu. Mais moi, j'ai vu Chris Rock sur scène après la gifle. Il avait joué à Paris et il fait pas de blagues dessus. Justement, il dit en gros, il fait 2-3 vannes au début, machin. Mais il n'en parle pas du tout. Il parle pas du tout. Je pense qu'il va vendre ça un très gros cachet à des trucs. Oui, super bien. Ouais. Moi, je suis Chris Rock. Ouais. 2022, c'est Will Smith. C'est-à-dire ? Bah, une année pas ouf. Je suis un même. Ah, j'ai fait c'est le un même. Même. Ouais. C'est un même. Ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais, t'es Chris ouais. Rock et 2022, c'est Will Smith. Ouais, t'es voilà. Fait une bonne gifle dans ta gueule. Ah oh, ouais, ouais. Ah oh, ouais. Je crois que ça... En tout cas, moi, si j'ai, enfin, je suis journaliste cinéma, mais oui. Je me demande combien de mes confrères, quand le film va sortir, vont dire une claque. Oh, là, oh oui. Ce serait bien vu de ta part. Bien vu. Non, pas moi, non. Non, non, mais des journalistes cinéma. Hein. Oui. Mes confrères à bon entendeur. Et non pas le groupe bon entendeur. Oui. Le temps est beau. Le ciel est bleu. J'ai deux amoureux qui sont dessus. Amoureux. La la la la la la le la, temps la, est beau. La, la, la, la. Le ciel est bleu. Voici ouais, baisé. À bon entendeur, monsieur le Premier ministre. Vous étiez comment vous en rapport? Parce qu'on en a toujours parlé pour faire des blagues, mais maintenant que c'était à longtemps, c'est passé. Comment... Il y a plein de gens qui ont donné leur avis beaucoup trop à chaud, ouais, beaucoup très vite. Et ce qui est assez rare sur internet. comment vous êtes par rapport à ça? Je sais pas, je trouve que. Bah déjà, apparemment, enfin, tout le monde connaissait le mot alopécie, que moi je connaissais absolument pas. Je connaissais Joe Pesci, mais ça n'avait rien à voir, Bah, moi, j'ai regardé Dawson, et parfois au téléphone, il disait alopécie, mais c'est tout, quoi. et souvent, il y avait rarement Jada Pinkett Smith dans Dawson. Non. Vraiment, tu pouvais pas faire le lien. Mais oui, moi, c'est toujours. Gifler quelqu'un, bon, en règle générale, c'est pas mon truc préféré, mais. Sauf si c'est des nazis. Oui, ah, bien joué, Ouais. Non, je sais pas, moi je trouvais que. En fait, c'était typiquement le genre, mais malheureusement de plus en plus souvent, où tout le monde m'énerve. Les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Ouais. Enfin, non pas que j'ai pas d'avis sur le truc, mais il y a. En fait. Bah oui, c'est le problème d'Internet, c'est qu'il y a un côté où tout le monde projette, quoi. Oui, tout le monde projette. Non, mais au-delà de ça, c'est le côté, il faut que tu aies l'avis le plus outrancier, enfin, que tu sois le plus dans la surenchère, le plus radical, le plus truc et tout. Et donc, il y a des gens qui disaient, il méritait à 200% de se prendre une gifle. Tu fais, peut-être un peu de nuance, peut-être qu'il y a des torts des deux côtés. Enfin, tu vois, et donc tout le monde était soit à fond... du côté de Chris Rock, à fond du côté de Will Smith, et tu dis, bon, il y avait... Oui, c'est un gars qui a surréagi connement à une blague très nulle. Enfin, tu vois, donc oui, tout le monde est moi, la blague, je la trouvais, bon... Une blague sur G.I. Jane en 2022, déjà, c'est fou. Ouais, peut-être qu'il l'a giflé juste parce que c'était ultra ringard comme blague. Si c'est ça, pour moi, je suis OK avec... Non, je crois que l'organisateur de la cérémonie a fait, sérieusement, une blague sur G.I. Jane. Enfin, et Will Smith a fait, non, c'est bon, je m'en occupe. J'y vais. Là. Ouais. Mais moi, j'ai longtemps cru que c'était faux. Mais oui. Mais même alors, longtemps mais moi, après, en live, moi, en comme, live. C'est ça, comme Pierre, je l'ai vu en direct. Et seulement j'ai fait. Oui, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens même être allé sur le live de Pierre pour essayer de comprendre. J'étais genre, attends, eux ils en pensent quoi? Parce que vraiment. Et on était dupes. C'était glaçant. C'était lunaire. Et puis surtout, il y avait deux montages. Enfin, il y avait certains lives. Nous en France, on l'avait eu en entier, alors qu'aux États-Unis, ça a été cuté. Bien sûr. Donc on savait plus trop ce que c'était. Et parce qu'il y a la gif, mais. Moi, je trouvais le plus glaçant, c'est Will Smith assis qui hurle. Oui. Keep my wife name out your motherfucking mouth. Moi, ce qui m'avait plus mis mal, limite dans ce truc, c'est qu'après, quand il reçoit son prix, il fait son discours et il est genre merci. En train de chialer, tu fais oui, bon, il va mal. Vraiment, il est au bout du rouleau, quoi. C'est pas de l'émotion, là. Je pense qu'après la gif, il a dû se dire oh putain, faut pas que je l'aie quand même, parce que là, du coup, ça va être. je l'ai. Oh non. Merde. Vraiment, merde. Il y a aucune émotion sur son visage, il a juste des torrents de larmes. Genre, merci beaucoup. Oh là là. Il est vraiment au bout du rouleau, malheureusement, c'est horrible, quoi. Il a dû passer une nuit Du coup, c'est ce qu'il dit apparemment maintenant. C'est ce qu'il dit. Il s'est excusé quand même, qu'il avait mal réagi et tout, mais il essaie d'expliquer que sa vie personnelle est un peu en bordel, que c'est un peu compliqué. Oui. C'est des gens qui sont beaucoup dans le contrôle, hein, donc forcément. Mais c'est fou, parce que moi, ça me paraissait encore il y a deux ans. Non, c'est février, année. Du coup, effectivement. Ouais, c'était début d'année. Le même. Là, il s'est fait vriller la tête, le mec, hein, avec la gifle. Oh. Bon, non. Je demande pas votre pitié. Hein, c'est pas terrible. Alors là, je vais me tourner vers Pierre parce que c'est des sujets que je connais. Le Téléthon. Non. Quoi? Téléthon Gaming. Ouais. La Pixel War. Attends. Je suis un gamer. Le caporal. Non, général. C'est... My CEO. Le capitaine. C'est Captain. C'est Kameto. Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu peux résumer un peu ce que c'était? Moi, j'ai pas du tout suivi ce truc-là. Alors, si j'ai compris que c'était. Faut mettre des petits pixels sur une petite toile. Il y avait eu quoi il y a 5 ans, je crois. Donc c'était Reddit. C'est pas nouveau, c'est un truc qui se faisait un peu. Reddit. C'était sur Reddit, Oui, Reddit qui avait un subreddit qui s'appelait Air Places. Ok. Et où chacun pouvait apposer un pixel. Donc il y avait un cooldown, tous les 5 minutes ou une minute, je sais pas. Non, c'est alors, une minute. Un cooldown pour le cooldown, oui. C'est juste un laps de temps après lequel tu peux replacer un nouveau pixel. Oui, tu peux pas le faire toutes les secondes. Sinon, un temps imparti pour éviter que les gens trichent. Spam. Le floatcast. Les gens maîtrisent ça. Spamcast. Et donc, du coup, il y a eu effectivement donc, cet événement. Les streamers donc, sur Twitch se sont emparés un petit peu de ce Airplace. Ramener la couverture à soi, encore une fois, bien sûr. Non, mais bref. Et donc, du coup, il y a eu une guerre donc, pour pouvoir apposer un peu ses couleurs sur ce canevas de 1 million de pixels. Ouais. Et on est arrivé à la guerre entre l'Espagne et la France. Et la France. Oui, parce qu'on dit Pixel War, mais à la base, c'est pas du pas tout Pixel War. Oui, non, c'est non, ça, non, ça s'appelle ouais. pas comme ça. Oui, c'est des gens qui ne connaissaient pas à la base et qui se sont appropriés le truc, ouais, une fois de ça. Plus. Oh, c'est ça. C'est de l'appropriation culturelle. Mais non, mais je veux dire, ça va. Airplay, c'est bon. Sont le centre, puis. Oh. Mais ceci dit. Alors, s'ils jouent à Fortnite, ils s'approprient Fortnite. Arrête! Toujours vous là. C'est comme si je joue à Fortnite et je dis que c'est Battle Night. Respect. Ouais, bah ce serait, on peut dire que c'est le nom de l'event par exemple. Ouais, c'est, ouais, voilà, ouais, ouais, bah, bon, je t'ai mouché en fait. Il m'a cassé. T'es Chris Rock, je suis Will Smith. donc bref, et donc du coup, ouais, Espagne, France, sous bah, donc, l'armée c'est de ça, Cametto, du général Cametto, Cametto, le streamer, le capitaine, qui a voulu réaliser un superbe pixel art, ouais. horrible. Mais alors, je dois le dire, je n'ai rien vu de la pixel art. Moi, j'ai juste vu le best-of sur le zap de Domingo, le rewind, le popcorn. Moi, je n'ai rien vu, je n'arrive même pas à comprendre quand on m'a pitché le truc comment ça peut être intéressant de regarder ça. Bah, en vrai, si, c'était. Tu recouvres en fait les pixels d'autres, oui. et donc du coup, c'est un truc de terrain. Ah, bah oui, de... bah, là, pardon. Alors là, dit comme ça, génial. Oui, oui, c'est exactement ça. Bah, si, parce qu'ils mettent des pixels, les mecs. Ouais, bon, ça... je n'arrive pas. Alors, peut-être que. Après, je suis un vieux ranchon. Mais vraiment, je peux pas comprendre. Non, mais il comment... y avait le truc de fin, du coup, qui devient un peu la Tu me coupes, hein, Pierre, si je dis n'importe non, je quoi, te mais jamais. La peinture, en gros, de l'événement final. Où, du coup, il y a plein de petites choses et chacun a mis. Des trucs personnels parce qu'on s'arrête effectivement à cette espèce de gros truc France-Espagne, mais il y avait plein de choses peut-être plus petites qui étaient des messages de soutien. Il y a eu des hommages à des gens disparus, il y a eu des très jolies choses. Oui, ouais. Bon, ça reste un peu intéressant pour moi. D'accord. Mais après, c'est vrai que c'est devenu un peu une bataille d'ego, oui. Un petit peu nul. Alors, ouais. en sachant que. Il y avait déjà une mythologie bien en place sur celui d'avant, qu'il y avait vraiment des discords qui étaient bien en place par rapport au pays. Toutes les combien d'années c'est toutes les là, je sais pas, je crois que le dernier Airplay, c'était il y a 2017, je crois. Ouais, je crois que c'était il y a 5 ans. Ouais, ça remonte, ouais, ouais il me semble. Ça. Et où il y avait bah, des histoires The Voice, The Blue Corner et tout ça qui ont d'accord. essayé de réapparaître là, mais au final, ça a été un petit peu ouais. accaparé par le sommet. Mais c'était un peu rigolo, il y avait une inertie autour, oui, comme un peu coup... cette Coupe du Monde de la honte. Et il y avait plein de. Tweet shows très différents, cela dit aussi. Exactement, c'est vrai qu'il y a eu des ponts un peu qui étaient cool de avoir. Qu'on connaissait pas trop, ouais. qu'on était fait, donc ça c'est toujours oui, chouette. Oui, c'est pour la plateforme, je connais bien. En tout cas, c'est le début de la rivalité France-Espagne, un peu. Voilà. On a pu voir se concrétiser sur le terrain. Ouais. Ça c'est chouette. Stade Jean Bouin. Toi qui connais bien Twitch, Pierre, t'en penses quoi de cette évolution de Twitch sur des événements plus gros, on a vu aussi cette année le GP Explorer organisé. Ah, mais je l'ai fait ça par contre, le GP Explorer. Moi. T'y es allé ? Ah oui, j'ai. T'as conduit une voiture ? J'ai conduit une voiture. Ah ouais ? Ah oui, non, mais j'étais sponsorisé par Air Up. Est-ce que vous connaissez la rétro olfaction ? Non, mais c'est vrai, est-ce que vous connaissez la rétro olfaction ? Non, mais ça a l'air génial. En fait, Air Up, c'est une gourde. Ouais. Tu mets de l'eau et avec des petites pastilles, il y a des goûts. Il y a une odeur. Et juste, tu sens. Ce qui me permet de boire ma propre pisse. Mais elle a le goût de myrtille. Et elle a le goût de myrtille. La pisse à pierre sans la myrtille. Et c'est pour ça que j'ai fait GP Explorer avec. Ouais, bien sûr, avec Squeezie. Ouais. Ah bah... ouais, j'ai spiné. J'ai spiné. T'étais bien derrière, non ? J'ai spiné. Avec Joyka. Spiné de ouf. Ouais. C'est le seul mot que j'ai compris. Retenu. Spiné, ouais. Oui, non, mais après. Oui, bah après, moi, ça va pas trop. Bon, je sais pas. C'est vrai que là, c'est un peu la course à l'échalote et en termes de production. Oui, c'est toujours plus haut, toujours plus gros, Fort Boyard. Toujours plus vite jusqu'au bout de l'extrême limite. Dans l'effort, tu es si belle. C'est long. Non, ben bah oui. Non, bah, c'est, après, c'est beau de voir ces événements-là et tout ça. Bon, après, il y a toujours des choses un peu à revoir. Qui touchent moins, en plus. Qui vont un peu gâcher la fête aussi. Mais bon, c'est bien de voir ça rassemblé, surtout porté par des streamers qui changent un petit peu des streamers qu'on avait déjà connus et tout ça. C'est et ça. Donc, il y a des nouvelles forces de proposition, des nouvelles méta, comme disent les gamers. Ouais. On est hors du gaming parce que maintenant, je pense que c'est les premières années où ce qui fait le plus de contenu et le plus de vues, c'est le React maintenant. Ou des événements réels. Donc on a quitté le côté gaming, donc c'est pas mal. Donc ça permet des gens comme moi, même peut-être de moi m'exprimer, par exemple avec Laserdisc. Ouais. Ça a ouvert des choses, parce qu'on rappelle qu'avant, sur Twitch, c'était illégal, ou du moins interdit, de faire autre chose que du gaming. Ah ouais, c'est très. Pas le droit de faire du talk. En fait, Twitch était la partie gaming de Justin TV, en fait. D'accord. Et très longtemps, si tu faisais du contenu hors gaming, bah, ça passait pas, tu vois. Donc après, ça a commencé avec les live cuisine et tout ça, et après, ça s'est un peu démocratisé pour faire plein de choses. Ouais. Donc c'est cool de voir ça. Après, c'est vrai que ça peut être un peu intimidant si tu veux te lancer dans des projets où tu te dis bah maintenant la grille des programmes va être ouf tout le temps, ou tu vas être comme ça. J'ai l'impression d'entendre ce qui a été dit sur YouTube il y a 6-7 ans qui était ouais, au début c'était cool parce que c'était des petits trucs et maintenant il y a beaucoup d'argent, c'est des gros trucs, il y a de la concurrence, on a l'impression qu'on peut plus se lancer. Même j'ai vu ce débat là un peu des familles de Twitchers connus. De la team Antoine Daniel, joueur du grenier, qui s'entendrait pas les forcément du lundi, avec la... tout exactement ça. Et tu te dis putain mais c'est incroyable, c'était même les mêmes blazes quand on était sur YouTube, ouais, avec Adrien, ouais. Il y avait la ce qu'on appelait la mafia Nesblog qui était toute la team, ouais. Joueur du grenier, Usul, tout ça, et à côté de ça les ce qu'on appelait les podcasters, donc les gens qui ont dit Facecam, Natou, Kemar, Cyprien, d'autres gens, tout ça, tout ça. Et voilà, les gens qui faisaient du sketch, et c'est vrai que voilà, ça se mélange pas, il y a des familles, il y a des trucs, c'est j'ai l'impression que ça recrée les mêmes patterns, quoi. Ah ouais, mais ça c'est fou, hein. Ah bah, ouais. C'était marrant parce que t'avais YouTube qui dit oh, on ne deviendra jamais la télé. Ou littéralement devenu la télé. Ouais, après Twitch dit on sera jamais des youtubeurs. Ou vous devenez des youtubeurs et maintenant on refait de la télé. Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu toujours la même chose. La télé, l'autre, elle fait les gars, vous allez tous être nous. Oui, bah, c'est ça, ouais. La TikTok bientôt, peut-être TikTok ce sera la télé, t'en penses quoi? Peut-être. Comment ça pourrait devenir la télé? Bah, tu veux dire dans le flux live? Je crois le live TikTok, j'y crois pas trop. Parce que déjà, ça souffre un peu de. Et les, d'a priori TikTok, de moi, ouf. Je connais rien, les TikTok c'est plus long aussi. Tu peux faire oui, des maintenant, trucs ouais, maintenant. Tu peux faire des... Et ça oui. fonctionne? Les gens aiment bien? Ou est-ce qu'il y a un truc? Bah, c'est vrai de... que je consomme. Après, ouais. C'est un peu dramatique pour le vol du contenu. Ouais. Ça, c'est un peu. Enfin, je vois tous les ouais. trucs brutiques ou quoi que ce soit qui sont découpés. Enfin, même tous les lives d'Amine qui sont ouais. découpés. C'est fou. Enfin, le truc de Amine et Mister V, je l'ai vu en n'ayant pas vu le live, tu ouais, vois. Ouais, pareil. Mais les trois quarts des youtubeurs que je connais, qui se sont mis sur TikTok, se sont mis parce qu'ils se faisaient piquer. Ah ouais, mais c'est un ouais. enfer. Ouais. Ils disaient, bah, de toute façon, en fait, tout le monde le partage, donc autant le faire nous, comme ça on gagne un tout petit peu de sous, et puis au moins ça nous appartient, c'est nos trucs. Et ouais. Voilà, ouais, quoi. Ouais. Non, mais j'y crois pas trop le live ouais. sur TikTok. Okay. Mais cela dit, pour revenir à Twitch, j'ai l'impression que il y a toujours la place pour les deux, je trouve. Ouais. Que, en fait, j'ai pas l'impression que les gros events avec beaucoup de thunes. Viennent cannibaliser les oui. petits lives de personnes dans sa piole. J'ai l'impression que les deux coexistent bien, quoi. Le concept de sub, j'ai l'impression d'être pas mal aussi. C'est-à-dire que si tu as pas beaucoup de gens mais qui sont très dans le soutien, tu vas avoir ouais. des sous. Alors ah oui, il que... y a des gens qui font beaucoup moins de vues mais qui ont c'est plus ça. D'abonnements aussi. Je sais pas, j'ai pas suivi. Après, du moi, tout. Je sais je pas dis... le nombre de subs qu'a chopé le GP Explorer pendant le live, c'était ouais, pas le but. Pas du tout, ouais. Mais voilà, j'imagine que c'était énorme. Mais quand même, il après, j'étais sur la piste donc je peux pas. Oui, oui bien sûr, t'avais autre chose ouais, à faire, t'avais avec la... regarder la route. Ouais. C'est ça. en buvant ma propre pisse avec les gourdes d'Air Up. Rétro olfaction. Non, mais après, non, mais c'est souvent, tu vois, je vois souvent Étoile ou Kenny dire ah bah moi je vais juste faire un live comme ça. Ouais. Je sais pas si ça, sur leur santé mentale, enfin sur leurs ambitions, ça les freine un peu. Mais ouais. je pense que pour les gens un peu comme moi, en bas du classement, enfin qui veulent juste s'amuser, il y a toujours notre place, il y a toujours bien les sûr. Gens pour nous suivre et c'est ouais, cool ouais. quoi. Ouais. 2022, alors c'est aussi, et là je vais plutôt me tourner vers Adrien, parce que oh, je sais qu'il en a tâté, je sais qu'il en a tâté un petit peu, l'explosion. De l'art via des IA. Ah! Via Midjourney et toutes ces choses-là. Est-ce que déjà tu peux expliquer dans les grandes lignes? Je pense que les auditeurs connaissent un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est Midjourney le premier truc qui s'est fait un peu reconnaître. Ah, non, non je sais pas. Non, bah, celui qui, moi j'en premier... ai entendu parler par Midjourney. Je ouais, le considère comme. C'est un... Pour moi, le premier qui a donné des résultats vraiment ouf, c'était Midjourney. Parce qu'avant, il y avait les trucs genre Wombo et les trucs et comme Dali. Ça. Donc pour expliquer, en gros, ce sont. Bah, Dali, c'est devenu public après ouais. Midjourney. Pour expliquer quand même vite fait aux gens, donc en gros, c'est tu rentres des mots, une phrase. Une phrase. Tu décris l'image que tu as envie de voir et l'intelligence artificielle. Voilà. S'efforce de générer cette image-là. Et ensuite, tu précises un peu les choses pour que l'œuvre voilà. ressemble à quelque chose qui te plaît. Et voilà. toi, je sais qu'Adrien, t'en as. Oui, c'est assez ouf comme truc. Après, le truc, c'est que ça lance quand même un. Enfin, va falloir que ça lance un comment dire, une discussion sur les droits d'auteur. Les droits, ouais, enfin tout ça. Là, ça commence à justement des artistes qui commencent à en parler. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'une intelligence artificielle ne crée rien, en fait. Donc, c'est vraiment comme les gens qui copient des peintures ou les gens qui reproduisent une peinture dans le style de machin. Et qui sont des très bons techniciens mais qui ne créent rien, Et une IA, c'est ça, mais fois en fait, il faut entraîner ton IA. Voilà. Tu vas le faire bouffer. Par exemple, tu mets tout le truc de Picasso. Oui, ou par exemple, tu lui mets des milliards d'images et les analyses. Blablabla. Bon, la partie technique nous échappe un peu. Mais en fait, l'IA, elle reproduit d'après ce qu'elle a vu d'images existantes, quoi. Donc, ça ne crée rien en vrai une IA. Et donc là où ça devient un peu problématique, c'est qu'on peut dire fais-moi tel truc dans le style de machin, et du coup ça donne des résultats parfois assez bluffants où ça reproduit vraiment le style d'un artiste, encore plus avec l'autre IA qui s'appelle Stable Diffusion, qui est open source je crois, et du coup les gens peuvent créer leur propre modèle, c'est-à-dire fournir leurs propres images, et donc ils peuvent prendre toutes les images d'un artiste, la donner à une IA et ensuite juste générer de nouvelles images d'un artiste sans son autorisation. Et je trouve que en fait, en termes de technologie, c'est ouf. Et c'est vraiment, les résultats sont dingues. Et je trouve que là, je pense que là, pour l'instant, on est un peu dans une période un peu grise en termes de lois, quoi. Il va falloir qu'il y ait des lois qui soient créées pour restreindre ce truc, quoi. Ouais, parce que là, pour l'instant, c'est fou, quoi. Puis ça vole du travail à des... Oui, effectivement, même à des graphistes et tout. Moi récemment, j'ai fait la bible d'un projet, bible de série, parce que voilà, je travaillais sur un projet. Et pour mettre un peu de visuel, c'est vrai que ces logiciels-là sont super, quoi. Parce que d'un coup, t'as un visuel un peu chouette. Ouais, et puis, faut savoir qu'au stade de la bible, payer des graphistes, parfois, selon les étapes où t'en es, enfin là, pour le coup, c'était juste une bible pour moi, donc je me payais pas, quoi. Donc, du coup, j'allais pas payer quelqu'un pour le faire, mais du coup ça pose, comme tu le disais, des questions, quoi, parce qu'il faudrait normalement. Oui, non, mais cela dit, après on va pas se leurrer, genre les bibles avant, les gens ils prenaient des images sur internet, oui, et des photos, enfin tu vois, ouais. Le truc, c'est que je pense il va falloir qu'il y ait une loi. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, parce qu'en fait, en gros, c'est du plagiat, quoi. C'est du plagiat mais ultra performant. Le problème, c'est que pour avoir été illustrateur, et puis avoir vu passer des affaires de plagiat et tout, c'est quasiment jamais les artistes obtiennent gain de cause dans des affaires de plagiat. Okay. Tous les artistes qui se font voler des designs par des grosses marques ne gagnent jamais. Bah souvent, les grosses marques ont des avocats très chers, donc ne serait-ce qu'en frais, tu te fais niquer. Mais il y a ça, mais même pas. C'est-à-dire que moi, je connaissais... je pense que j'ai pas le droit de dire nom de l'artiste, je connaissais un éditeur de BD qui avait une toute petite maison d'édition, qui avait édité une petite BD d'une artiste française. Et un peu plus tard, il y a une autre artiste qui avait sorti un bouquin et qui était un plagiat. Mais quand je dis un plagiat, c'est-à-dire que moi, j'avais vu le dossier qui avait été fourni pour le procès. La personne avait décalqué des cases de l'autre BD, quoi. Donc c'était indéniable que c'était du plagiat, et ils ont perdu le procès, quoi. C'est-à-dire que tu dis, regardez, les deux images, elles sont identiques et notre livre est sorti avant, ils ont pas gagné. Donc décourage en plus. Voilà, mais je me dis, peut-être que du coup ça va tirer vers le haut tout ça. Peut-être que si jamais justement là, avec les IA, où ça devient vraiment flippant et ça peut devenir systématique, ces histoires de plagiat, peut-être que ça va, du coup, il va y avoir des vraies lois qui vont être mises en place sur les histoires de plagiat, et que du coup, quand il y aura du plagiat fait par un humain, ça va peut-être qu'on va... ces affaires-là vont bénéficier de nouvelles lois, peut-être, j'espère. Après, je pense qu'il va y avoir un truc de... En fait, en termes d'utilisation des images, je pense qu'on va arriver à un truc où... Comme tu vois là, c'est ce qu'on dit par exemple pour ton dossier, où tu vois l'utilisation des images sur internet que tu chopes, c'est plus ou moins autorisé tant que tu te fais pas du fric avec, quoi. Ouais, en gros, tu prends une image, tu l'affiches sur ton live, gens vont pas dire bon, je fais un procès parce qu'il a affiché mon image, mais je pense qu'il va y avoir un truc du genre, si tu utilises l'image dans le style d'un artiste à des fins commercial, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une loi qui dit du coup vous lui payez tant, quoi, ou alors comme si tu commandais une illustration à cet artiste là, quoi. De toute façon, je pense qu'il y aura des outils et des ressources possibles, parce que là on a vu, comme souvent dans les images, il y a des métadonnées ou les données EXIF où tu peux voir qui a pris cette photo là. Maintenant, tu as des outils qui permettent de voir la prompt, donc la phrase qui a généré cette image. Donc potentiellement, si tu vois que dans la phrase tu dis bah fais comme Boulet ou fais comme Pénélope Bagieu, bah déjà peut-être t'auras un truc pour appuyer le fait que c'est un plagiat, parce que du coup les IA vont tellement être entraînés par plein d'images, si tu veux fatalement un truc qui ressemble plus à Kirby ou à Titeuf, bah tu vas devoir le mettre dans ton prompt. Donc là ça pour, tu pourras te protéger ou quoi que ce soit. Non, t'as dit Titeuf, ça m'a du coup ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'il dirait Titeuf si, si c'est ça, ça il penserait quoi d'une IA, enfin Titeuf ou Lorenzo hein, peu importe hein, au final. Bah ouais quoi, franchement les IA quoi, c'est vraiment, ça peut être un outil principal trop cool mon gars quoi, mais en vrai faut juste légaliser tout le truc, tu vois mon petit poteau quoi. Salut les BG. Wesh les BG, ah, c'est moi Elsa, je danse. Salut les BG, c'était même pas la phrase. Pardon, j'ai parlé longtemps, mais c'est mais super en fait, intéressant. Il est hors de lui. Non, mais je suis pas hors de moi, mais je trouve que. Mais tu en as tâté un petit peu, t'as fait des trucs assez fous, moi tu m'as montré. Et le truc en texte, c'est fou. Parce que moi je suis étudiant. Le code en texte. Ah, j'ai pété chat là. Ouais. Oui, bah oui, j'ai pété. Oui, genre, voilà. Bah, qui a créé Pinocchio, tout simplement. J'ai pété. Oh, le marionnette, elle est dans mon cul. Mais non, mais du coup, ouais, mais les gamins qui peuvent faire, genre, faire un essai sur le loup, le renard et la belette, tu mets ça dans ton truc GPT, fais-moi un essai sur le loup, le renard et la belette, et ça te fait ton devoir, quoi. Et c'est Nolan Leroy qui te fait ton devoir, en fait. Oui, il y a un gars sur Twitter, ou une meuf d'ailleurs, qui a mis une IA qui génère des conversations potentielles de floodcast en mettant les mots qu'on dit, ouais, ou des. Y a, même j'ai vu quelqu'un qui a imaginé via une IA le rap que répond la météorite dans Clash d'astéroïdes. Ah, trop marrant. Tu vois, enfin, il y a des idées comme ça assez folles, tu vois, qui sont assez marrantes, quoi. Moi, j'ai vu un mec sur TikTok qui avait utilisé, du coup, GPT chat pour dire écrit un rap de Drake où il dit qu'il n'aime pas quand son chili est trop épicé. Le truc a généré le truc. Après, il a utilisé une IA qui fait de la synthèse vocale, mais avec des modèles réels, genre qui est entraîné avec la vraie voix des gens, en mettant Drake. Donc, du coup, il avait Drake qui rappait le texte généré par l'IA, et après, il faisait une instru. Et du coup, t'as genre un morceau de. Bon, après, tu reconnais que c'est une voix de synthèse, mais c'est assez ouf. Du coup, t'as un morceau de Drake qui parle de chili qui est trop épicé. Et... C'est drôle. Mais là, l'année prochaine, potentiellement, vous avez pu enregistrer des flottes. Ouais, c'est ça, on va prendre des IA. Et ça, c'est cool, quoi. Ouais, ouais. Assez sympa. Les couilles dans mon cul. Ouais. Alors, justement. Des couilles dans le cul. Des couilles dans le cul. Non, 2023, ça, l'année prochaine. Alors, lourd. C'est mon année, là. C'est ton année. Non, parce que déjà. Il y a quelqu'un qui va ressortir, d'ailleurs tous les ans, même tous les 6-7 mois, on ressort cette archive où qu'on avait fait cette émission fin 2019 où tu disais, bah, de toute façon les gars, 2020, c'est notre année. Et bon voilà, donc on va pas dire ça maintenant, on va arrêter de se porter la poisse. Mais je vais pas me jinx. Non, mais il y a plein de projets. Lazordisc, est-ce que ça continue, Pierre? J'espère. Ouais. Donne un dos de prévu ou pas? Bah là, le dernier. Il y en a eu avec Mister MV que j'ai maté, bah, c'était très cool. Qui était la semaine dernière, du coup. Ouais. Je sais pas quand est-ce que quelques semaines, du coup, ouais. Ok, bah le 16, là, on fait le dernier en public. D'accord. Voilà. Ah, donc là, c'est la dernière prévue écartée avec, en espérant faire d'autres l'année prochaine. Exactement. D'accord. Bon, j'ai réunion demain pour voir l'avenir. Ok. Et il sort quand ça peut le. Je te dis tout début janvier, je pense. Ok, d'accord. Voilà. C'est bien pour le récap de l'année, du coup. Bah oui. Cette nouvelle année. Bah, non, non. Oui, donc malheureusement, c'était le dernier avec Horty, c'était cool. Mais là, du coup, ça va changer de formule. On va un peu entrevoir les choses. Et oui, bah, j'espère. Moi, j'essaie de m'amuser. Je tends à faire évoluer ce projet-là. Peut-être ouvrir un peu autre chose que la musique. Mais ouais, j'ai envie de m'amuser là-dessus. Et peut-être ça va être un peu plus simple aussi en termes d'ayant droit de pouvoir explorer d'autres genres musicaux. Musicaux, je sais pas où on en est, ou même avoir d'autres invités, parce que peut-être que c'est vrai que dès qu'il y a des gros labels, on peut pas inviter les gens. Ah, c'est donc chiant, peut-être que ça va évoluer, donc voilà. Mais ouais, non, moi, les projets, c'est juste ça. C'est ça. Survivre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un bon projet déjà, en vrai, 2023. C'est pas mal. Je vais voir Avatar, et voilà, c'est tout, quoi. Oh, bah, c'est pas en fait, mal. Ouais, en gros projet, non, et puis après, j'ai des trucs d'écriture. Mais je sais pas, enfin oui, des choses qui sont lancées, tu en avais un petit peu parlé, des envies, voilà. C'est toujours, enfin, c'est, je sais pas si les envies, mais on m'a proposé en tout cas, et du coup je m'amuse à ça, d'écriture pour développer des projets, quoi. Trop bien. Donc, ça tue. Ouais. Ça tue. On a reçu des questions un petit peu, justement, parce que c'est vrai que maintenant dans la nouvelle formule, enfin, nouvelle formule c'est un grand mot, mais dans les changements qu'on a effectués sur Floodcast avec Adrien, on fait plus de questions à la fin des épisodes. D'ailleurs, je trouve que c'était plutôt une bonne chose. Enfin, moi, je sais pas comment vous êtes vis-à-vis on de est ça. Reparti, mais... parce que j'ai un déjà vu, parce que la dernière fois que j'étais là, vous avez déjà parlé de ça et vous êtes engueulé. J'ai l'impression d'avoir vu mes parents. se bah disputer. Non, au final, on s'est pas engueulé puisque on l'a effectué. Oui. Et c'est une bonne chose, je trouve que les épisodes sont plus courts, mais je trouve que les épisodes sont mieux rythmés. Donc depuis qu'on a enlevé les questions, et du coup, je me suis dit, mais là, vu que c'est un peu le bilan de la fin d'année, ça peut être pas mal qu'on prenne quelques questions un peu larges. Mais tu m'étonnes. Voilà, pour pouvoir y répondre. Typiquement Adrien, quelqu'un nous demande sur Instagram. Ah oui, parce que du coup je l'ai posé sur Instagram, pas sur Curious Cat, Floodcast Pod sur Instagram. Oui. N'hésitez pas à nous rejoindre, on poste plein de trucs. Vous voyez-vous faire une tournée chaque année ou vous préférez en enregistrer en mode chill? Question qui est beaucoup revenue puisque c'est vrai que 2022 ça a été l'année un peu de la tournée. Ah ouais, oui, il y a eu ça quand même. Il y a eu ça. Le GP Explorer, mais. Oui, oui, oui, la tournée du Floodcast d'abord. La tournée du Floodcast quand même énorme. L'Olympia, tout simplement. Tout simplement. Moi, j'ai adoré cette expérience de tournée. C'est vrai qu'on n'est jamais vraiment revenu dessus. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré faire de la scène avec Adrien. J'ai adoré rencontrer les gens parce que c'est vrai que le public a été extrêmement chaleureux. Peut-être un peu moins à Nantes, mais. Oui, voilà. Sauf une ville. Voilà. Non, non, mais le public a vraiment été super. On a vraiment beaucoup rigolé. Tous les invités sont sortis, j'ai l'impression, contents. Enfin, voilà, c'était une super expérience. Après. Floodcast, le kiff, c'est exactement ce qu'on est en train de faire pour moi. C'est on est autour d'une table et on rigole. Et avec Adrien, on se voit et on invite plein de gens et on passe des moments avec ces gens-là. Et ça reste ça. Je suis ravi d'avoir fait les lives. Je suis ravi qu'on sorte les lives. Je suis ravi que les gens écoutent les lives parce qu'en plus, ça a été la petite surprise là, de cette année de se rendre compte que, à la différence des deux Bataclan, les lives marchent bien. Enfin, on n'a pas de baisse d'auditeurs sur les épisodes live. Ce qui mais veut même dire que... au contraire. Ouais, l'Olympia, il a même, ça a été un peu notre record. Le record de... ouais. Votre banger de l'année, quoi. Bah, en gros, là, le mois de novembre, on a fait 1 million d'écoutes. C'est en énorme. Tout, ce qui est vraiment. Ouais, ce qui est beaucoup. On n'est pas très chiffre, mais. Podcast d'or. On est podcast d'or. Et donc bref, si on était invité au Paris Podcast Festival, on... mais j'ai vraiment pensé. On aurait une médaille, ni plus ni moins. Non, mais tout ça pour dire que c'est trop cool. Et moi, j'étais ravi de faire de la scène. On est sincère et transparent. S'il y avait un bémol, c'est la vie de tournée, qui est un truc qui moi m'a un peu fatigué. Pour être tout à fait honnête, c'était cool, hein, prendre des trains, visiter des villes, mais c'est vrai que c'est sport, c'est rapide, et puis c'est tu dois refaire les répètes à chaque fois et tout. Donc ce qui était trop cool, c'est qu'on avait des invités différents à chaque date. Donc ça remettait une pièce dans la machine, ça relançait un peu le truc. Mais c'est vrai que mine de rien, moi je suis sorti de la tournée, donc on a fait ça en septembre, et un peu fatigué quoi. J'étais content qu'on puisse avoir les lives à diffuser, parce que reprendre un rythme hebdo de Floodcast après en avoir enchaîné 6, 5, je sais plus. De quoi? On a fait combien de dates? 7. Ouais. 7. Donc il y avait 7 épisodes à préparer, mine de rien, et plus que autour de la table. Avec un gros Olympia au milieu, avant de finir. Plus l'Olympia au milieu. Moi, je t'ai récupéré, t'étais un peu rincé déjà. J'étais malade, moi. Continue, ouais, j'étais malade. Mais après, ça allait mieux, bizarrement, parce que j'avais pris le rythme. Moi, je suis tombé malade à Lyon. Mais c'était trop bien. Mais effectivement, derrière, moi, j'ai eu du mal à faire les floodcasts dits normaux autour de la table, parce que j'étais encore. Dès septembre, j'avais les pattes sciées de cette tournée, parce que même tout l'été, en fait, on a pris des vacances, évidemment, mais on a quand même préparé. C'est con, hein, mais les chansons, inviter les gens, préparer les émissions, etc., etc. Donc, pour résumer, moi j'ai adoré l'expérience. Est-ce qu'on va le refaire? Ce serait trop cool. Peut-être, mais pas tous les ans, c'est sûr. Pas tous les ans. Pas tous les ans. Moi, c'est vrai qu'il y a la petite frustration de ne pas avoir fait le Sud et l'Ouest. Et l'Est. Voilà, on aimerait beaucoup faire. Même la Belgique, on a reçu beaucoup de messages. Oui, moi, la Belgique, la Suisse, tout ça. Ce serait vraiment trop cool, on a envie. Et Québec. Québec. Et puis refaire quand même, voilà, les grands noms. Parce qu'on a eu beaucoup. Enfin, quelques personnes. Non, beaucoup, il faut le dire. C'est pas de la fausse modestie. On va pas faire de la fausse modestie. Beaucoup de gens n'ont pas pu avoir de place. Donc, effectivement, refaire une tournée, ce serait cool. Mais oui, pas maintenant. Pas maintenant, parce que. Pas maintenant. Voilà. Et voilà. T'as kiffé, toi, Adrien, quand même. J'ai grave kiffé. Cool. Ouais, c'est trop bien. Pareil que toi. Hein. Ouais. Trop bien. Invité en or. Invité en or. Ouais, tout était très bien, quoi. Ouais. Mais bah, on va pas faire ça. On va pas faire ça tous les ans. En plus, si jamais on a une idée, un truc, je sais pas. Mais là, non, on va se laisser le temps quand même de profiter un peu d'autres choses aussi, parce qu'on a d'autres métiers à côté avec rien, donc on peut pas faire ça tout le temps. D'ailleurs, quelqu'un demande, est-ce que vous vous amusez autant qu'au début? Moi, c'est ça. Je m'amuse plus qu'au début. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Là, maintenant, c'est vrai que c'est. On s'est enlevé. Moi, je me suis enlevé le stress, et ça a été de passer en hebdo. Je me suis enlevé le stress de, en fait, une émission peut, enfin, c'est juste une hebdo, quoi. Donc, en fait, faut pas que ce soit toujours la meilleure émission possible. Ouais. Juste, faut s'amuser. Et d'ailleurs, en pensant comme ça, au final, on a fait, je trouve, les meilleures émissions de l'histoire du Floodcast. Hein. C'est bizarre de le dire, mais voilà. Et donc, du coup, moi, je prends énormément de plaisir à faire ces Floodcasts, et même. voilà, quand j'ai un peu le temps, je fais des chansons à la con, ou des fois c'est Adrien qui les fait, mais la formule juste de des infos débiles avec des gens marrants, moi ça me va très bien, et je comprends pourquoi les grosses têtes ça existe depuis 40 ans, c'est qu'en fait c'est ça qui est cool en gros, quoi. C'est assez chouette à faire. Donc non, moi je m'amuse beaucoup plus. Après, on va pas minimiser le travail, c'est vrai que voilà, même le côté hebdo, comme je disais, moi j'ai du mal en ce moment parce qu'il y a les trucs à côté. Voilà. Il y a quand même un peu de ça aussi. Elle est fatiguée, elle pleure. Il y a quand même, non mais en plus pas du tout, mais c'est juste que ça rajoute quand même un petit peu dans un petit peu de truc sur l'emploi du temps. Donc voilà, mais on s'amuse. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'on s'amuse plus qu'au début. Vous bénéficiez d'une aura de ouf, ce qui vous permet de tenter d'autres invités un peu rigolos que les gens attendent aussi. Ça c'est intéressant d'ailleurs. C'est parce qu'il y a toujours voir, eu un peu. Ça change un peu. Exactement. Et moi j'adore ça en plus. De voir ma gueule, tu vois. Mais non, mais c'est ça qui est cool, c'est d'avoir les deux. Oui. Moi c'est ça que j'adore. Et d'ailleurs c'est marrant parce que elle existait déjà un peu avant, mais il y a une vraie dichotomie entre des espèces de fans hardcore qui voudraient que tous les épisodes soient des imitations pendant 5 heures, voilà. Et qui critique, enfin, on a eu un début de saison qui était un peu rigolo, où il y avait des avis. Alors, c'est toujours là, les gens, comment on appelle ça, on n'entend pas la majorité silencieuse, oui, tu oui, vois. Oui. Mais des gens qui disaient, oh là là, vous avez enchaîné Jack Mimoun, Orelsan, oh là là, c'est vraiment des invités qui viennent faire leur promo, ah, etc. Oui, okay, alors qu'à côté de ça, moi j'étais genre, bah, c'est trop cool, on a des gens qui viendraient jamais dans le Floodcast, qui viennent et qui, j'ai l'impression, propose autre chose que ce qu'ils font en promo en plus, tu vois. Donc moi ça, j'étais super fier de ça, et c'est vrai qu'il y a eu un peu des gens, mais oui, comme dit, je pense que voilà, c'est pas la grande majorité. Non, bien sûr, mais... moi ce qui m'avait agacé, c'était que on dise d'accord, donc ça devient une émission de promo, et tu fais, c'est vraiment deux épisodes, peut-être si on en faisait six, peut-être là, ok, pose la question au bout de deux épisodes. Bon, peut-être laisse-nous respirer deux secondes, quoi. Mais c'était vraiment... la rentrée, les gens avaient peut-être peur, non, j'en sais rien. Des attentes, je les emmerde. Oui, et puis encore une fois, en plus, bon, Orelsan, le fait est que moi j'ai travaillé avec lui. Jack Mimoun, c'était un film que je sortais. Enfin, c'était pas non plus. Ça non, sort... puis, et pas, on a l'occasion d'avoir Orelsan, qui est un peu un des invités. Un peu que je pense tout le monde, combien de fois on a dit ce serait trop bien qu'il y aurait ça, on l'a, donc oui, en plus pour la promo d'un super docu, donc en plus c'est ça qui est trop cool, quoi. Mais on a, et en plus on vous dit pas ce qu'on refuse, mais oui, ce qu'on refuse des gens, et puis des gens peut-être plus connus encore, donc vous savez pas, on dit pas les noms. Quelqu'un a demandé à quand une série animée Floodcast. Alors, c'est pas du tout prévu, mais je pense que c'est en rapport au dessin animé que Kiksama le sait. Le Goat. Le Goat, alors qui. Je crois que c'est une des plus jolies histoires, un peu mine de rien, du Incroyable. Floodcast. Parce que, voilà, il faisait des animations super sur les épisodes, mais pas que. Il en a fait aussi sur des gens sur Twitch, en l'occurrence avec Ponce, Antoine Daniel. Enfin, il faisait. Ah ouais Ouais, il fait des animations. Ah oui, sur son compte, oui. Sur son compte, ouais, mais comme avec le Floodcast. Deux ans d'études. Et donc, Kiksama, à qui on a demandé de faire l'intro du Floodcast avec Christophe Ondelat pour les lives, et qui maintenant. Pas du tout grâce à nous, mais qui fait d'autres trucs à côté, et ça fait plaisir de Trop voir bien, quand même des. Voilà, grâce à son talent. Son talent. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est ça. Nous avons été peut-être un entonnoir à talent. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, voilà. Non, mais voilà, peut-être que le fait qu'on ait partagé les trucs, ça a tiré son travail. Ça a mis. Un petit coup de projecteur, bien mérité. Bien mérité, ouais. et c'est surtout parce qu'il est très drôle. Mais voilà, et un bosseur. Un truc animé du podcast, moi je suis pas certain que c'est un grand intérêt, mais de temps en temps c'est très plaisant à voir quand il le fait de son côté et tout, parce qu'il rajoute tout le temps plein d'idées d'animation très drôles. Et on a vu d'ailleurs aussi son travail sur un petit truc qu'on a fait pour Combini là récemment. Et j'ai pas vu. Ah bah moi j'ai vu. J'ai cliqué sur le lien et ça ne marchait pas. Et c'est très drôle. Donc ça, on vous en dit pas plus. Vous verrez ça bientôt. Mais bon, c'est une petite OP. Attention. Mais ça fait plaisir. Et c'est Kiksama qui a fait une ou deux animes dessus, et ça fait plaisir. Mais il y a Air Up dedans. Oui, il y a de la rétro-olfaction. Ok, d'accord. Je suis rassuré parce que. Rétro-olfaction. Tu sens. Tu sais que ça ne veut rien dire. Tu sais que ça ne veut rien dire, ce terme. Pouvez-vous nous raconter, et c'est vrai qu'on l'a pas fait, comment vous avez eu le vrai Ondelat pour la vidéo? Parce que c'est vrai que je l'ai coupé de tous les lives, parce que c'était une intro un peu. Ça cassait un peu le rythme. Faut le dire, c'est grâce à Ondelat et son équipe, en fait, à la toute base, eux qui nous ont contactés. Oui, et c'est aussi grâce à Floodcast Raconte. Ah, bien sûr, alors au tout début, c'est ça. C'est pour dire que c'est comme ça qu'on a eu l'attention de l'équipe de Christophe Ondelat, c'est parce qu'on a fait Floodcast Raconte. Et la personne qui est chargée de tout l'aspect digital de Christophe Ondelat nous avait contacté en connaissait disant notre travail, voilà, en disant ça pourrait être cool de faire un crossover Floodcast Raconte, Ondelat Raconte. Donc en étant grand fan de Ondelat Raconte, on était évidemment chaud. on a eu un peu de mal à se mettre, enfin pas à se mettre d'accord, mais à se juste se parler parce ouais. que voilà, il y a qu'on eu est nul, on des, est nul en orga, on est nul, surtout moi, et il y a eu un peu des chassés croisés d'appels où on n'arrive pas à se parler, et puis d'appels manqués en appels manqués est venu le moment où on commençait à préparer la tournée, et on s'est dit mais attends, en fait là on pourrait avoir, ça pourrait être ça la collab, c'est qu'il nous fait l'intro, on Floodcast fait un, raconte le Floodcast, voilà, ouais. Et du coup c'est, et du coup on a proposé ça, elle était d'accord, elle a convaincu Christophe Ondelat, ce qui apparemment était pas forcément une mince affaire. Non, parce qu'il connaissait pas, et puis voilà, il est dans son truc quoi. Ah, donc, oui, voilà. Mais, alors, moi, à sa place, j'en aurais rien à foutre du Floodcast, clairement. Ouais, ouais. Mais donc. Non, mais beaucoup, on la remercie fort parce que bon taf, ouais. Parce que franchement, bien ouais, on a eu quand même en plus, enfin, t'allais sûrement le raconter, mais une liberté totale. Et, liberté totale. Nous, on peut dire aussi qu'on a eu une petite frayeur quand ouais. deux jours avant ou la veille elle nous a dit bon Christophe est en train de réécrire le texte, on a fait ah, parce que c'est que des private jokes, donc s'il réécrit toutes les private jokes ça va être incompréhensible, ça va être compliqué, et elle a dit non mais c'est mieux de le laisser faire machin blablabla. Donc on était un peu genre bon bah Ave Maria et en fait le jour même il avait non seulement très peu réécrit, en plus réécrit genre certaines tournures de phrases pour les rendre plus ondelates, donc c'était parfait. Et le seul truc qui allait pas, c'était que il avait mis Yves Montand mal imité ouais. au lieu de Yves Montand mal fait, et on lui a dit bah non mais parce que c'est un truc Yves Montand mal fait et tout, il a dit oh d'accord très bien, je l'imite un peu oui. et donc on a remis Yves Montand et on l'a eu la veille de ses vacances, et elle nous a dit ça joue elle nous a dit non mais là il est bien, c'était son dernier on de la traconte, donc ça lui fait plaisir, il a été parfait, hyper, enfin il a pas du tout fait le truc genre je m'en bats les couilles quand il foirait, il disait ouais ça serait bien de la refaire et tout, enfin il a été méga impeccable ouais. C'était comme dans un rêve, c'était trop bien. C'était ouais. Sur, dans le spectacle, c'était d'ouvrir sur ça, c'était fou. Ça faisait plaisir. J'ai tellement eu une commotion cérébrale. Tellement j'ai. Bah non, mais on se disait. Des traumatismes sur la tête. On se disait. Ah oui, Mais attends, tu veux dire que ton crâne n'était plus entier à ce moment-là? Ouais, enfin. Ah oui. D'accord. Il était à 2 mètres du sol quand même, parce que Non, en fait, je me suis fissuré. Okay. Parce que je me suis littéralement explosé la boîte crânienne. Ok, d'accord. Ouais, ok. Sur la personne devant moi. Enfin, pour dire clairement, j'ai pété mon crâne. Ah oui, t'as pété. Toi-même, tu l'as pété. Oui, okay. Okay. Et d'ailleurs, quelqu'un demande, et justement, ça, je refais un peu de la promo pour notre Instagram, si d'autres vidéos seront dispo de la tournée, parce que c'est vrai qu'il y avait des fausses pubs, on peut le dire maintenant, hein, des trucs et des petites vidéos exclues. Et oui, bien sûr, je pense que c'est prévu. Pas toutes, mais certaines, oui, je pense qu'on va aller foutre, faut qu'on se mette d'accord avec Adrien de qu'est-ce qu'on sort, mais moi j'ai tout sur un petit disque dur, et oui, ce serait trop con de les laisser. Voilà. Les fausses pubs, bon, alors peut-être pas, elles seront, il y aura peut-être pas toutes les fausses ce que pubs. Je disais, la quenelle de Lyon. Comment ? La quenelle de Lyon, peut-être pas. Mais celle-là, si. Celle-là. Okay, oui, on va les mettre, Mais oui, on va les mettre. Ouais, faut qu'on trouve juste quoi, quand. Quand une fois, l'organe n'est pas notre forme. Mais... Pour Noël. Cadeau de Noël, on met les pubs. Un truc de l'Avent. Enfin, la semaine. Mais qu'on commence le 15. Ah, on fait un calendrier de l'Avent de 4 jours. Hein. Iconique. Grotesque. On écrit avant avec un A, c'est genre c'est avant. Calendrier de l'après. Personne n'a fait cette blague. Calendrier de l'après, personne. Garderez-vous le rythme hebdomadaire mais toute cette année? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, putain. Rai, on va essayer. On va essayer. C'est le but. Bah oui. Mais il y a eu un petit changement de paradigme, parce que c'est vrai que j'étais un peu au pour début. Pour qui tu te prends à utiliser le terme paradigme? Juste une question. Hein. Il a un podcast. Non mais parce qu'avant. Je crois pas que c'est inhumain de dire que j'étais peut-être un peu le moteur au début du Floodcast, tu vois. Totalement. Et aujourd'hui, j'aurais jamais fait. Hein. Je l'ai dit maintes et maintes fois que j'aurais jamais fait. Mais c'est vrai que ces derniers temps, moi j'ai dit peut-être là cette semaine. Et Adrien, il motive, il dit non, vas-y, on continue, on garde l'œil. Donc si on continue à être une hebdo, c'est grâce à Adrien. Wow. Donc l'idée, faut qu'on continue ce rythme, parce que. Ce serait cool. Donc on va tout faire pour rester hebdo jusqu'à juin 2023. Puis pour l'argent aussi. Et l'argent qui coule à flot. Ouais. Bah, attends. C'est la fin de ce podcast. Alors juste parce que des trucs. On va pas comme d'habitude. Quand même quelques recos culturels, parce que même on a parlé de plein de choses. Adrien, est-ce que tu as une reco culturelle à partager avec nos amis auditeurs? Absolument une reco. Est-ce que tu as une reco culturelle à partager avec les auditeurs? Je la coche. Hop là, c'est bon, c'est dit. Oui, sur la chaîne YouTube de Vice, il y a une série de vidéos qui s'appelle The Story Of. Ouais. Et c'est, ça raconte la naissance et la vie, et parfois la mort, d'une chanson, d'un tube, en fait. Ah, mais j'en ai vu. C'est très bien. C'est très bien, ouais. Il y a genre... J'ai vu REM, je crois. Je les ai pas encore tous vus, mais il y a genre... Enfin, il y a des trucs très... Mais en fait, c'est assez cool, parce que ça, justement, ça raconte la naissance... Enfin, avant, ça raconte la naissance du truc, parfois les procès qui se sont pris, machin, etc. Et il y a plein... Il y a genre... Because I Got High de Afroman, il y a Avec Kevin Smith, hein, tout ça. Avec tout, Kevin Smith, il y a il y a Teenage Dirtbag de Wheatus, et à chaque fois il y a des histoires assez cool autour de ces chansons, et c'est hyper bien. C'est des petits documentaires sur des tubes et comment toute l'histoire autour de ces chansons là, et c'est trop cool. Et voilà, c'est ma reco. J'ai regardé ça un peu dernièrement. Très chouette. T'as kiffé? J'ai grave kiffé. Pierrot Labzouze. Qu'est-ce que tu as aimé récemment? Non, mais j'hésitais. C'est bon, je l'ai. Pose ce téléphone. Non, c'est comme tous les ans, on faisait des reviews de l'année, donc je pensais musical ou quoi que ce soit. Ah oui, là, mais je suis... pas, pardon, ah, mais vas-y, mais on peut en parler là. Bah, ça fait 6h30 qu'on est là, les amis. Adrien, là, c'est l'ombre de lui-même. Florent, il bave. Bah non, c'est mon visage. Non, mais je sais pas, en musique Soul Glow, j'ai beaucoup aimé cette année. Ok, c'est quoi comme genre de musique? Tu nous as fait chier avec ta vidéo pour finalement pas en mais parler. Mais non, mais il fait tout. Sinon, je fais la vidéo. Il fait tout. Soul Glow. À la croisée des chemins, punk hardcore, influence un peu hip-hop. On a vu beaucoup de choses un peu avec Aurore et tout ça, qui changent avec le côté un peu hégémonique blanc du hardcore. À tes souhaits, bébé. Ouais, sympa. Donc ça, j'ai bien aimé. Et un gros projet qui s'appelle Diaspora's Problem, je crois. Cet album. Et je pense que iconique, cet album. Je dis les mots, dis les termes. C'est iconique. Ah ouais, iconique. Ouais. Je crois qu'il est dans les tops de tout, là. Et... une vidéo sur YouTube, j'adore YouTube, je qui s'appelle de H Bomber Guy. Ok. Qui s'appelle... H Bomber Guy. Ouais. Ok. H Bomber Guy. H, la lettre H. Ouais. Ok. Bomber Guy, un Bomber Guy. Qui okay, c'est pas Bomberman. Ok. Ça pourrait être Bomber H Guy. ASH par exemple. C'est vrai. SCH par contre, c'est le rappeur. SCH le rappeur. Ouais. Oui. Donc c'est SCH, un clip de SCH. C'est en bande organisée. Je voulais faire cette reco là. Je pense que ça a marché. Recola. Une petite pastille. Oh ouais, top. Top. L'ombre de moi-même. Va te faire foutre. C'est un banger, cette blague. Attention, je suis encore vert. Hein. Oh. Recola Circus. Oh là là. J'ai hâte de replonger dans la solitude et la tristesse en rentrant chez moi. Alors. H Bomber Guy. De SCH donc. Oui, bien évidemment. Oui, Magaté. Putain, je mettais des sauts-taureaux d'essence. Bah, ça va Et ces taureaux d'essence, aujourd'hui, bah, on aimerait bien les mettre. Rapport à la pénurie. Moi, pour accéder à une pompe, je suis prêt à aller à contre-sens, tu vois. Oh, comme ma chérie. Ouais, bien sûr. Ouais, on a fait tous les trucs. Oui, allez. H Bomber Guy. Le titre de la vidéo, c'est Roblox _ ouf.mp3. Qui est le son iconique, qui est un mème, le petit. Je sais pas si je l'ai fait trop Attends, bien. C'est pas le. Oh, c'est pas ça. Ça fait plus Minecraft que tu fais. Ouais. Je sais pas, moi je connais. Ne regardez pas, je ne connais pas les mêmes. Alors, moi j'ai pas le. Je n'ai jamais téléchargé TikTok. Quand tu. Oh. Eh non. Quand grand tu... bien t'en fasse. Oh, arrête. Non, j'ai adoré une période. Maintenant, ça ok, Roblox ouf, donc c'est le ouf, un peu iconique. Ok. Quand tu prends des dégâts ou quand tu meurs dans Roblox, il y a quelqu'un qui se dit. Bah, d'où vient ce son iconique? Ah, donc, une petite enquête un peu. Une enquête. Ouais, j'adore. J'aime bien quand ça fait ça. Ouais. Et ensuite, il va voir en fait ce ouf là. C'est pas du tout une création Roblox. Bah, c'est lié à un sound designer musicien qui a fait un truc crédité sur Messia, qui est un ancien jeu vidéo. C'est Jean Messia. Jean Messia. Ouais. Jean Messia. C'est, en fait, à la fin, tu découvres que c'est Jean Messia qui Jean l'a Messia. Fait. L'enfer. Horrible. Et depuis le début, c'est moi. Quel est le problème? J'ai un petit passé de sound designer. Bah voilà. J'ai beau avoir quelques idées peut-être un peu agaçantes. Ouais. Je suis un gamer. Alors que d'habitude, les gamers n'ont jamais d'idées problématiques. Eh bien, je fais exception. Je vais à l'émigrant, mais je flosse. Tout simplement, je suis Jean Messia. Donc Messia, c'était une petite Madeleine de Proust, parce que je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu vidéo, tu jouais un espèce de petit chérubin tombé du ciel et tu pouvais incarner tous les gens de la map. Et tu pouvais les faire tout ce que tu voulais, c'était génial. Moi, c'était Messia, ça s'appelle ? Ouais. Putain, ça me dit quelque chose. Et ça donc, bref, rien. On découvre ce sound designer-là et on se rend compte que sous ce... cette personne-là créditée, qui est soi-disant... Non, on ne dit pas trop, mais on se rend compte que le mec a le World Guinness, enfin le record du Guinness ouais. d'avoir le plus de noms au crédit de... Et après, on découvre un peu ce personnage. Il semble être un petit peu... Tu vois, il y a une petite vibe un peu tickled. Tu sais où. Ah oui, bien sûr. Oh là là, bon, ok. Voilà. D'ailleurs... Ouais. Pardon, vas-y. Non, mais donc, très bien. Super, et ça me fait penser que Gigi Pop avait recommandé Pepsi Where's My Jet. Ouais. Je l'ai maté le soir même et c'est tu vraiment très bien. Ouais, donc bien. Je recommande doublement. Tu l'as poncé telle une fleur. On peut voilà. Voilà. The King of Kong aussi qui était vachement bien. Oui. Le jeu vidéo qui partait d'un petit truc et qui était... Parce qu'il y avait un peu des rumeurs comme quoi c'était faux. Fictionné. Ouais, paraît-il. Parce que le méchant est tellement haut en couleur et tellement, on dirait, un personnage de Ben Stiller, quoi. Bah, ah, tu le mettrais dans, tu l'écrirais, on croirait pas, quoi. Bien sûr. La réalité dépasse la fiction, tu veux dire. Bah, j'en ai plutôt l'impression. Mais après, oui, c'est un non, super. Mais surtout que c'était le mec qui avait fait ce documentaire, le réalisateur. Alors après, ça arrive, hein, mais c'était il l'a fait. Jarry atypique. Non, mais il a fait de la fiction. Ah, oui. C'est le mec qui a fait Comment tuer son boss, qui a fait des d'accord, comédies. Okay. Quasiment dans le ton du documentaire, voilà. Bah après ça s'est vu, hein, ça existe. Mais il a fait, il avait fait aussi le Alerte à Malibu avec The Rock. Bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui a fait derrière des gros blockbusters. Donc peut-être. Voilà. Alors quant à moi, je vais vous conseiller parce que il y a eu assez peu de promos autour. La comédie musicale Hamilton. Alors ceci dit, c'est très connu comme comédie musicale, mais ma blague était à moitié ironique parce que elle était sur Disney+, cette comédie musicale de très bonne plateforme. Mais il n'y avait pas de sous-titres français pendant des années, enfin depuis l'arrivée de Disney+. Oui. Et du coup, autant regarder des films français sur Disney+. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. c'est une comédie musicale, donc ça dure 2h40, je crois, un truc comme ça. Il me semble bien. C'est fou, c'est presque aussi bien que ça. Hein. Et Hamilton, c'est considéré comme le renouveau de la comédie musicale. C'est Lin-Manuel Miranda qui, derrière, a fait tous les trucs. C'est lourd, quand même. Il paraît que c'est très lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Milton. Lewis, quoi ? Non, Milton. Milton. Ah oui. Non, pas Lewis Hamilton, mais Milton. C'est vrai que c'est... Et bref, cette comédie musicale... Non, mais, si on pouvait avoir son visage. Pierre, c'est vraiment la personne qui a l'air le plus en souffrance quand il rit. On dirait qu'il hait rire à chaque fois. À chaque fois qu'il a un fourré, on dirait qu'il dit mais merde, pourquoi je ris? Non. Amenez-moi en Suisse. Abrégez mes souffrances. Je veux crever. Bon, okay, oui, et Hamilton, vraiment, c'est vachement bien. Et donc, il y a enfin les sous-titres français parce que ça parle du coup de Hamilton, les pères fondateurs, l'Amérique, le GP Explorer, George Washington, tout ça. Les comédiens sont extraordinaires. C'est drôle, c'est triste, c'est touchant. Mm. Les chansons restent méga en tête. Et c'est vraiment très très très très bien. Donc je vous invite à regarder ça. Je trouve que pendant la période des fêtes de Noël, c'est parfait parce que voilà, un peu de musique, un peu de la danse, ça passe crème. Ça passe crème. Ça passe ô combien crème. Hamilton, c'est sur Disney+. Il y a des sous-titres en français. Jetez-vous là-dessus. Ah mais oui. C'est, mais voilà. J'aimerais bien récupérer des codes Disney. Ah bah putain. Je sais pas si quelqu'un. C'est con. Mon Bouygues Télécom a buggé sa race pendant un mois. J'ai pas eu internet, donc ils m'ont voulu me faire un cadeau. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Bouygues Télécom. Ils disent, bah voilà, pour nous excuser, on vous offre Disney+. Je fais, bah non, je l'ai déjà. Ah, tant pis. D'accord, je fais, bah rien. Genre, je leur dis, je fais, ah, donc pas d'autres cadeaux. Ils disent, bah le truc, c'est qu'on sait que vous avez déjà né. Ils ont ah, bah oui, t'as déjà né. Et donc, je dis, rien du tout, rien. Et non, rien. Aïe, rien, aïe, aïe, aïe. Donc, Bouygues Télécom, pas ouf. Ah là là là. Là. Allez, voilà, merci beaucoup, les amis, pour cet épisode. C'est toujours un régal de vous voir. Ouais, donc, Pierre. Laserdisc. Ils sont dispo en replay sur une chaîne YouTube. Oui, bah non, tu viens vraiment de baver. J'ai craché un truc. C'est énorme. replay sur Arte maintenant. Okay. C'est plus Arte Créative, sur Arte. Twitch.tv/Arte. Surveillez ça. Sinon, bah, T'as ta chaîne Twitch aussi. Je continue ma petite chaîne Twitch où, en tant que cinéphile, je regarde beaucoup de choses très intéressantes. Ouais. Illégalement. donc voilà, venez si avant que je me fasse ban. Et sinon, moi, des petits projets. De toute façon, je vibe. Tu vibes, toi ? Ouais, sur mes petites casquettes là. Tu go avec le flow. Je go avec je parle le pas flow, de moi. Les petites photos, le big. Mais oui, bien sûr, ouais. Évidemment, tout ça. Sur Pierre Lapin, photographie, pire nom de Instagram. Bah, c'est ton nom, ton prénom et ton métier. C'est plutôt. Non, c'est très bien, écoute. Oh, c'est mais bien. On est obligé d'être. farfelu tout le temps. Non, moi, c'est Florent, moi c'est Florent Bernard et le haut est un zéro, donc c'est le la c'est pire, bien pire chose. C'est bien pire. C'est bien pire. Moins pire que El Floberto tout de même. Adrien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2023 déjà? Le podcast qui continue, ça c'est sûr et certain. Écoutez, il y a des beaux projets. T'as fait pas mal de tournages, parce que je dis que on n'arrive pas à s'organiser, c'est aussi parce que nous deux on travaille, mais toi oui, t'as eu quelques parce tournages. Parce que aussi on est très très nul en organisation. De base, mais surtout ça. Il y a eu aussi quelques tournages qui sont tombés. Oui, j'ai quelques petits tournages. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais en tout cas, il y a du film et il y a de la série. On peut dire ça déjà. Je rappelle que Disney Plus est une très très belle plateforme et que je suis écoutez, le Jackie Chan français. Voilà, on peut le dire. Tu doubles Dingo. Mais c'est ça. Donc je suis un peu le Harry. Je refais l'erreur. Bon, je suis un peu le Henri Cavill français, quoi. Oui. Oh, je croyais qu'on disait Harry Cavill. Non, tu non, vois. Non, pas du tout. Non, tu confonds avec PC. Philippe Laville. Ah oui, pardon. Il tape sur des bambous, on y revient, tout se recoupe, c'est le Floodcast. C'est comme ça. Mais quoi maintenant? Arrêtez de me regarder, ça me gêne. Okay, oh là là. Non, et voilà, Killer Coaster, la série. Alors, j'ai un tout petit rôle dedans, mais. Ça, on peut le dire, du coup, là, Killer voilà, Coaster. Voilà, ils l'ont annoncé et tout, et puis ils m'ont tagué à chaque fois et tout. Pas une seule évocation de ma présence dans cette série, mais en même temps, j'ai un tout petit rôle, et puis il y a quand même un casting. 5 étoiles. J'allais dire 4, mais. Ah non, moi j'en mets 5. Non, mais oui, Alexandra et Audrey Lamy dans les rôles principaux, voilà, rien que ça, hein. Oh là, les sœurs Lamy. Elles ont du pain sur la planche. Les sœurs Lamy. Ah oui. Non, mais. Non, là. Et voilà, donc ces petits rôles, s'il y a une saison 2, hein, streamer ça fort pour qu'il y ait une saison 2. Si Jésus le veut, mais oui. Bah là, il y aura plus du Méniel normalement un peu plus présent. Oh là là. Et voilà, non, ce qu'on peut me souhaiter, de raccrocher les wagons de la vie, puis de. Voilà, avoir une petite vitesse de croisière, parce que là. Je suis un peu en garde depuis. Je suis le fou de la garde de la vie, quoi. Tout simplement. Okay. Si je mettais une webcam dans mon appart, les gens appelleraient les pompiers, tout simplement. On se dirait, mais attends, il a pas bougé depuis. Il est vivant ou... L'image a frisé? Non, il fait rien. Il est sur son canapé. Attends, je crois que sa main a bougé. Oui, il a mis pause. Voilà. Donc. Non mais attends, je rigole. Non, mais bah oui. Je rigole, ouais. Je fais plein de trucs. Bien sûr. Oh merde, putain, ça va. Oh, non, putain. En vrai, moi j'ai l'impression que je t'ai jamais vu faire autant de choses. Ah oui, en toute honnêteté. Oui, mais on se connaît peut-être pas oui, si bien. Après, mais... Oui, mais bah en vrai, quoi d'autre à part les tournages et qui c'est vraiment non, sur le flot le dernier mois. Oui, même par SMS quand on discute, je te trouve plus je sais pas, il y a une envie de faire plein de choses. Ah oui, une envie. Bah, les ça, stories oui. Amis proches, tu me fais. Tu régales, le story tout court. Tu vois, moi je suis régalé. Non, moi je suis pas d'accord avec vous, mais mais non, mais j'aimerais bien reprendre. Alors. Ne venez pas me dire voilà, mais Twitch j'aimerais j'ai fait le garde-fou hein. Non, ça non, a mais été énormément demandé. C'est une envie internet me terrifie mais mais j'aimerais bien voilà là, ça, c'était cool voilà Twitch j'aimerais revenir avec peut-être je sais pas de repenser un peu peut-être en fait c'est ça mon problème c'est que à chaque fois que je me dis ah je retournerai bien sur Twitch je me dis ah oui mais il faudrait que je refasse bah tout oui, la DA de ma chaîne ouais. Ça serait trop bien et du coup bah ça va être des trucs qui vont me prendre énormément de temps ou alors que je vais jamais faire et donc il faut que j'apprenne aussi ça à dire faut que tu vibes voilà il faut que je vibe et il faut que je me dise mais même si c'est pas parfait au moins ça aura l'avantage d'exister et d'être fait. Parce que sinon je ne fais rien. Bisous tout le monde, à prochaine, ouais. Bye. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.